with a beautiful smile on their faces. Dragons, pagodas and sampans, many dusty roads in the land of the red dragon. A train of thoughts were bound to my imagination. I hope of at the station, railway takes me far beyond the onset. Avec mes propres enfants, de la maison, mes grands-parents, au lavoir de la Fontainebleau. Depuis 30 ans passés, avec mon grand-père et le chien, le rendez-vous des soirs d'été, le pèlerinage quotidien. Marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux. Tant que les grenouilles seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. Ça fait un sacré effet. Avec eux d'y retourner. Le temps passe, mais les grenouilles, elles y sont restées. Je suis content de leur montrer, de leur passer le relais. Mais ça pique à l'intérieur, c'était hier, c'était le bonheur. Marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux. Tant que les grenouilles y seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. Observer les animaux, tant que les grenouilles y seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. garçon. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Comme tous les matins, je me bouscule, envie de rien. Une fois prêt, je ferme à clé mes sentiments, amour imparfait. Quand tu m'adores, plus ce soir. Même comme toutes les semaines, je repars et quand j'entends les sirènes, un seul mot d'ordre, une seule vérité, c'est que je trouverai pas ça ma réalité. Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika. Tiens, j'ai beaucoup de grave, je crois que Francky est passé dans le coin. C'est lui qui a tendance à mettre beaucoup de grave dans la voix. Donc je reviens un petit peu à une voix normale, comme ça vous me reconnaîtrez, vous me confondrez pas avec Francky, notre animateur de tous les matins, hein, tous les matins de la semaine, il est là. Et donc ce soir, ben une émission Mavrika, c'est la 554e, hein, on en a fait quand même un petit paquet. Et vous le savez, dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir des gens, on aime bien le côté humain, on aime bien la musique, donc c'est un bon prétexte pour se retrouver tous les vendredis soirs à partir de 19h. Alors on est ensemble pour 3 heures de musique, de rencontres, et puis ce soir il y a un invité, il est là, voilà. Ils sont plusieurs, mais je vous expliquerai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Alors depuis le début de l'émission, alors j'ai noté, hein, vous pouvez retrouver sur le Facebook de l'émission Mavrika tous les morceaux qu'on va diffuser dans cette émission, comme ça si vous avez envie de les retrouver, bah, c'est beaucoup plus simple quand vous avez le nom de l'artiste et le titre du morceau. Donc on a commencé justement avec une artiste qui était venue la semaine dernière, c'est Angéline Anonier, c'est la deuxième fois qu'elle vient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et le premier morceau que nous avons écouté s'appelle Shanghai. On a continué avec Stéphane Acoustique, qui est aussi un artiste qui est venu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et on a écouté un morceau qui s'appelle Les Grenouilles, voilà, il nous l'avait interprété en direct live, là c'est la version que vous pouvez retrouver sur le clip, hein, parce qu'il y a un clip aussi qui existe pour Shanghai aussi, hein, il y en a un autre, hein. Vous pouvez chercher aussi sur internet, hein, facilement vous pouvez retrouver beaucoup de clips d'artistes que nous recevons dans l'émission Mavrika. On a continué avec Anaïs From Paris, que nous avons reçu il y a quelques mois, hein, ça commence à dater un petit peu, mais c'est vrai que le temps passe tellement vite, hein, un seul artiste par semaine, en tout cas les meilleurs artistes de la région et d'ailleurs viennent dans l'émission Mavrika, hein, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et on a continué avec à l'instant, bah, c'était Le Tourment, interprété par Alex Lebaille, et je vais vous dire aussi, Alex sera avec nous le 10 juin pour le le Mavrika Live. Donc c'est lui qui fera entre les plateaux. Donc il commencera, il interprétera des morceaux et après il y aura d'autres artistes qui vont défiler au fur et à mesure. Donc le vendredi prochain, nous allons recevoir aussi des artistes dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. C'est le groupe Custom qui participera lui aussi au Mavrika Live. Donc c'est une bonne idée de le recevoir juste avant cet événement. Donc, juste après, on écoutera donc le groupe Custom avec un morceau qui s'appelle Pauvre Monde, Poor World. Voilà, c'est quand même mieux en français qu'en anglais, parce qu'avec mon accent, je sais pas si vous avez tout compris. Enfin, j'avais bien fait de le traduire. Donc, on est dans cette émission numéro 554 et nous recevons ce soir Pierre Lorenlo. Alors, on va lui demander comment ça se prononce tout à l'heure, hein, parce que moi, je dis Lorenlo, mais c'est peut-être avec son accent un petit peu du sud-ouest. Et on est plusieurs autour des micros et je vais vous présenter tous les gens qui sont ici. Et comme ça, on passe une bonne soirée. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Thank you. on arrive dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Pour les gens qui ont l'habitude d'écouter l'émission, ils savent très bien que maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet, puisque nous sommes avec des invités. Alors, c'est Pierre, notre invité principal, donc Pierre Doranlo. C'est Doranlo ou Doranlo, t'aimes bien? Alors, les deux se disent, non? Au nord de la Loire, Doranlo, et au sud de la Loire, Doranlo. Doranlo, très bien. Voilà. Très bien, donc Pierre, toi tu viens donc du sud-ouest hein, de la France, hein, de la région bordelaise, c'est ça? Voilà, j'arrive de Paris là. Là t'arrives de Paris, je sais, je sais bien. Voilà, parce qu'on s'est rencardé pour se retrouver donc dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ouais. Donc t'as pris le train depuis Paris, hein, tu es venu directement ici. Et puis moi j'ai mis plus de temps à venir de la Chapelle que toi de Paris. Voilà. Bon, disons que j'étais un petit peu retardé aussi, hein, donc ouais. Le temps de préparer l'émission. Ben, on se retrouve ici donc pour une émission, c'est le numéro 554. J'espère que ce chiffre te portera bonheur. Et toi, Pierre, tu es venu pour nous présenter un projet. Alors toi, tu chantes déjà depuis pas mal de temps. Tu joues aussi du clavier, hein, mm-hmm. C'est du clavier en général ou du piano plus piano et aussi certains effets et tout ça. Voilà, voilà, oui. Synthétiseur. Ouais. Tu as déjà, c'est pas d'aujourd'hui que tu fais de la musique. Hein. Tu nous racontes un petit peu tout ça. Oui, ben là c'est en fait le huitième album. Huitième album, donc sept albums avant, ouais. Donc ça commence à faire quand même. Hein. et puis oui, ben j'ai commencé le piano assez tôt, quoi. Et puis le premier groupe à 17 ans, à Bordeaux. Ouais, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Avant-hier. Avec notamment, ben, c'est étonnant, avec le guitariste de cette formation, on était ensemble au lycée, et on s'est rencontrés 35 ans après, et on a monté ce projet-là. D'accord. Voilà. Donc, toujours avec la même passion, donc vous vous retrouvez, et puis forcément, oui. La musique, ça revient, et puis vous avez envie de faire quelque chose ensemble. Donc, un nouvel album qui est sorti il y a pas longtemps. Il est tout chaud, hein, en fait, il y a quelques jours. Il est sorti, enfin, il a été pressé, mais il n'est pas encore sorti. Officiellement. Officiellement, voilà. D'accord, je sais que c'est dans les jours qui viennent, alors, c'est ça ou... Affaire à suivre. Donc, bah, très bien, on va en parler. On va le découvrir en avant-première, voilà. Donc, en exclusivité mondiale, c'est ça? C'est ça. Même universelle, on va dire. Même. Alors, je rappelle quand même que donc, bon, je suis auteur et compositeur, mais les arrangements sont des arrangements collectifs avec donc, les trois comparses, Olive Ricardo à la basse, Philippe Zerbib à la guitare et Richard Jolin à la batterie. Voilà. Donc un quatuor. Hein. Oui. C'est comme ça qu'on, voilà. Qu'on dit. Et donc moi, en fait, c'est tout nouveau que je sois lancé dans cette trame-là. Mmh. Habituellement, je suis plutôt un peu plus posé au niveau de. Là, j'ai voulu que ce soit un peu rock et engagé. Et là, c'est engagé. Avant, c'était un peu plus poétique. Enfin, ça l'est aussi. Mais là, c'est engagé, quoi. D'accord. Ça... Engagé pour des bonnes causes, en plus. Hein. Ah bah, non, pour des mauvaises causes, hein, préfère. Non, c'est-à-dire que tout à l'heure, justement, on a écouté un groupe qui s'appelle Custom qui parlait de pauvre France, pauvre monde. Ouais. Donc, je crois que ça rejoint un petit peu, quelque part. C'est un parallèle, oui. C'est un parallèle. C'est-à-dire que, bon, dans le monde, il y a des choses qui sont très bien, heureusement. Hein, et il y a aussi des choses qui se dégradent de plus en plus. Et donc, tu nous en parles dans cet album. Il y a plusieurs sujets. Dans l'actualité. Voilà, donc très bien. Donc il y a combien de morceaux dans cet album? 45. 40. Moi j'ai dit ah oui, 45. Non, il y en 12. A 12. Oh, parce qu'il y a déjà un bel album. Sinon, 45 c'est possible. Hein. C'est possible. Le best-of dans quelques temps. C'est ça. Alors Pierre, bah tu es venu avec quelqu'un que je connais aussi, hein, qui on est amis déjà depuis pas mal de temps, hein, et on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. Bah le premier qui arrive avec toi, on va présenter comme ça, et après l'autre on garde une surprise. Hein, tout le monde le connaît aussi dans l'émission. Je te laisse présenter. Donc le deuxième c'est Bertrand. Bonsoir Albido, bonsoir à Bertrand. Tous. Bertrand Fond. Merci de votre invitation. Bah ça nous fait plaisir, hein, au contraire. Ouais, hein, j'écoute l'émission depuis longtemps, puis Arc-en-Ciel, c'est quand même une des toutes premières radios indépendantes de la région. Ah, tout à fait, ouais. Donc c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Et peut-être une des dernières aussi indépendantes encore. Oui, c'est vrai que les radios comme les nôtres, bah, ils ont tendance à disparaître de plus en plus au profit de radios commerciales. Hein, parce que bon, et nous, on a cette chance sur Radio Arc-en-Ciel de pouvoir faire cette émission, hein. Oui. Bon, moi, je parle à titre personnel, mais il y a d'autres émissions aussi. Voilà, on a des émissions très variées avec des styles qu'on retrouve pas forcément dans les autres radios. Donc, c'est précieux, ce qui est très bien. Et en plus, donc, moi, je me suis dédié à recevoir des artistes de la région orléanaise. D'abord, au début, je me suis dit, ça va être orléanais, mais finalement, il y en a qui viennent de très loin. La preuve, Pierre, il vient de Bordeaux. Non. Je peux te couper la parole. Ouais. Comme je disais à Bertrand, figure-toi que la tante de mon grand-père maternel est née à Orléans, faut le savoir. D'accord, tu es un petit peu orléanais alors. Et deuxième chose, mon grand-père a été prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale ici à Orléans, donc il y a des attaches, quoi, tu vois. D'accord, ouais. Et après, j'ai vécu 5 ans à Orléans et j'adore Orléans, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copains. Et voilà, c'est bien. Ouais, tu étais déjà venu aussi dans l'émission Mavrika. Avec ma fille. Oui, ça fait un petit moment déjà. Hein. Je suis retombé sur 45 ans. L'émission va faire bientôt 13 ans. Hein. Ça sera, justement, je suis en train de réfléchir. Bah, ça sera la semaine prochaine, puisque c'est le 3 ou le 4 juin, hein, je me souviens plus exactement, qu'on avait commencé à faire cette émission. Hein. Donc, il y a de l'animation aujourd'hui. Hein. On entend des gens dans les couloirs de la radio qui parlent un petit peu et qui font un petit peu de bruit. Hein. C'est pour expliquer aux auditeurs. Ce soir, on va découvrir cet album. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Terrien. Terrien. Alors, Terrien, le jeu de mots. Hein. Tu es rien ou Terrien. Les deux. Voilà. Alors, Bertrand est venu avec toi. Vous vous connaissez depuis longtemps et tout ça. Tu peux expliquer, Bertrand, peut-être ? Oh, ouais, ça fait 20 ans déjà. Ah, oui. On s'est rencontrés à Paris. J'étais à la FNAC des Halles et les disquaires m'ont dit « Bertrand, il faut que tu écoutes une maquette ». Ils m'ont prêté une maquette d'un chanteur, pianiste, auteur, compositeur, Pierre Dorenlo. Et j'ai eu un coup de cœur pour ses compositions, pour ses chansons. Et je travaillais pour une maison de disques à l'époque, c'était Codex. Donc j'avais cofondé remonter le temps, j'avais cofondé une maison de disques qui s'appelait Night and Day. Maison de disques indépendante. Et on avait un label spécialisé en musique classique et chansons françaises avec qui on travaillait, c'était Codex. Donc là, c'était pour Codex que j'avais signé Pierre en distribution. D'accord. Donc pour l'album, à l'époque, c'était un album de chansons pour enfants, Le Noël de la forêt. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ces chansons. Et on avait tout démarré depuis zéro. Enfin, c'est-à-dire la pochette, la fabrication, tout. Du début jusqu'à la commercialisation, distribution nationale et export. Donc c'était une très très belle aventure et ça fait 20 ans qu'on est devenus amis avec Pierre Dorenlo. Très bien, donc vous êtes ensemble ce soir. Et puis il y a une troisième personne aussi qui est venue vous rejoindre. C'est une personne, voilà, on a entendu la voix déjà, je pense que les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel qui écoutent régulièrement reconnaissent, hein, puisque tu as été quand même chroniqueur de l'émission Mavrika pendant au moins 3 ans. Tu as eu ton émission aussi qui s'appelait Ça va le faire. Oui. Donc c'est notre ami David McLean. Bonsoir madame, monsieur. Ça va David ? Ben ça va bien, et toi ? Ça fait plaisir de te voir, parce que ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Oui, la dernière fois c'était avec Angéline d'ailleurs, mais ouais. L'émission d'avant, la semaine dernière. Ouais, c'était il y a à peu près un an, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Peut-être pas tant, mais... je sais plus, mais c'était avec Angéline. Et qu'elle te passe le bonjour, parce que je l'ai eu au téléphone cet après-midi. D'accord. Donc elle m'a dit, tu feras une bise à l'ami Albino. Très bien, voilà. On lui fait une bise aussi, hein, si elle nous écoute. Hein. Et oui, donc ça fait quelque temps que je n'étais venu dans cette radio. Très bien, on est là tous les trois ensemble. Mais en fait, je suis venu, je lui explique pourquoi, parce que Pierre m'a dit qu'il viendrait ce soir, et puis ça fait longtemps qu'on se connaît aussi maintenant. On s'est connus ici, d'ailleurs, je crois, non, je sais même plus. Oui, ici. Hein, ici. Et puis depuis, on est resté en lien. Pour l'instant, oui. Ouais. Ouais, ouais. Jusqu'à la fin de l'émission, après. Après, on verra. Et puis il m'a dit, ouais, ce vendredi soir, là, je suis chez Mavrika, donc est-ce que si tu veux passer, ben, j'ai dit, ben, tiens, pourquoi pas. Il s'avère que je pouvais passer, parce que j'ai un emploi de temps très chargé. Et j'ai dit, tiens, allez, je vais aller voir Albino et Pierre et Bertrand, je savais pas que tu étais là. Hein. Bonsoir David. Mais voilà, et je suis là. Voilà. Donc maintenant, vas-y, pose tes questions. Très bien. Bah, première question, déjà, on va faire un petit coucou à Jimmy, hein, Jimmy oui, qui se repose actuellement, oui. Ouais, parce qu'elle a des petits soucis et voilà. Ben moi, je suis tout cœur avec elle, un peu normal. Mais au-delà de ça, elle va revenir bientôt. C'est le bordel ton casque là, j'entends. Voilà. On était la semaine dernière à Troyes, on a fait un bon concert, enfin deux concerts même carrément. Et là, on est parti au mois de juin, on va en faire quelques-uns aussi dans la région, et puis je sais plus où, assez loin aussi. Enfin bref, elle se remet en forme pour attaquer la scène. Très bien. Donc, on va découvrir cet album qui s'appelle Terrien. Et puis d'ailleurs, on va envoyer un premier morceau qui s'appelle Terrien aussi. Envoie-le pas trop loin qu'on puisse le récupérer quand même. Oui, on jette pas les trucs. Hein. C'est-à-dire qu'on envoie ça dans les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Et il faut savoir que les ondes, normalement, dans l'infini, ne s'effacent jamais. Donc, les émissions qu'on a envoyées dans l'espace depuis les premières émissions de Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel, elles sont encore dans l'espace. Et je suis sûr qu'il y a déjà des planètes à quelques années de lumière qui commencent à les recevoir. Donc ils ont un petit peu de retard, ça sera un petit peu décalé, mais l'important c'est qu'ils reçoivent l'émission Mavrika. Ils sont en découvrir. Et ça se trouve, ils nous entendent quand j'avais des cheveux. Hein. Ah oui, c'est possible, c'est fort possible. Très bien, donc on écoute le premier morceau qui s'appelle Terrien, et c'est Pierre Doranlo avec son projet Dorenlo. On va expliquer tout à l'heure la différence d'orthographe et tout ça, à moins que tu veuilles le faire tout de suite. comment dire Dis-le en français, c'est mieux. D'Occitan. Je voulais trouver un nom de groupe, et puis finalement, le guitariste a considéré qu'on pouvait conserver ce nom-là en l'écrivant un petit peu différemment. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant ce que je dis, mais en tout cas, voilà. Si, on veut tout savoir. Doren-lo. Voilà, rien de particulier. Voilà. Très bien, donc on écoute ce morceau qui s'appelle Terrien, donc ça va nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Ça va rappeler aussi aux gens qui ont écouté les émissions précédentes. Ils disent, tiens, au fait, j'ai déjà écouté, effectivement, il a déjà diffusé Albino dans les précédentes émissions. Mm-hmm. Parce que j'aime bien passer les artistes qui sont passés, les artistes qui vont venir et tout ça. Donc c'est le morceau qu'on avait choisi, et parce qu'il s'appelle justement comme cet album. Exact. On écoute tout de suite. Terrien de toute race, tous nos désirs fondent comme la glace. Terrien de toute race, ce monde est dans une impasse. Terrien de toute race, y a plus de saison, y a que des moutons. Mauvais rêve, mauvaise passe, ce globe est à la masse. Terrien de toute race, en préambule comme une farce. L'homme passe, l'homme trépasse, même les loups n'ont plus d'espace. Terrien de toute race, on se décarcasse pour fuir cette crasse. Les religions sentent l'outrance et les fachos la décadence. I see such a bad mood. Such a bad world, all is falling down. All is falling down. Terrien, terrien, t'es pas grand chose. Terrien, terrien, t'es peu de choses. Ce millénaire est en carton. Sortez, videz vos tripes, l'amour est dans le béton. L'amour est dans le cœur, au cœur de mon exil. Dans le cœur de mon île, ma loi chemine sur un fil. I see such a bad world. Such a bad world, all is falling down. Voilà le premier morceau de l'album Terrien, interprété par par le groupe Dorenlo, voilà. La voix qu'on entend, c'est quand même la tienne, hein, Pierre. Donc, oui, on va rappeler peut-être les autres membres. Donc, quatre personnes. Voilà. Alors donc, Philippe Zerbib à la guitare, Olivier Ricardo. Qui a un groupe aussi qui s'appelle Olivier Senoyo, qui tourne pas mal, quoi. D'accord. Olivier Senoyo, voilà. Original. Et donc Olivier Ricardo et Richard Jolin à la batterie. Donc tous trois sont, enfin, le bassiste, non, le guitariste et le batteur sont sur Bordeaux, dans la région. Et le guitariste navigue entre partout, quoi. Il est entre Bordeaux, Paris, à droite à gauche. Et puis voilà. Cet album a été d'abord enregistré chez Philippe, chez le guitariste, et après on a peaufiné la chose et le mastering en studio chez Bruno Ménager, qui bossait avant pour Noir Désir et les autres. D'accord, très bien. Et puis voilà. Donc ça a été enregistré dans le studio de Philippe. Il a un studio à lui. Alors la première partie dans son studio, puis après à 5 après de Bordeaux, dans le gros studio de Bruno Ménager. D'accord, oui. Là, après vous êtes passé au. Mais les prises de son ont été faites à la maison, quoi, finalement. Oui, exactement. D'accord. Les prises de son. Après toutes les pistes vous lui avez données, il les a nettoyées, mixées, etc. Et il a mixé et il y a pas de heureux. C'est du direct. D'accord. Et après, bon, il a. Voilà, il a. Comment dire? Il a modelé la chose, quoi. D'accord, très bien. Donc, ça s'est fait à quel moment cet enregistrement? Là, on a fini il y a. 9 hier? Mois. Non? Hier? Oui, ou demain? On a fini demain. Il y a peu de temps. Il est tout chaud, hein? Oui, il est tout chaud, tout chaud. Tout est chaud. Croustillant. Croustillant, voilà, ça fume. Et comment ça se passe pour la prise de son d'un album comme ça? Vous avez mis beaucoup de temps, vous avez déjà beaucoup de bière. Ah ben non. Non. Non. Du Médoc. Non, mais beaucoup de temps. Oui, on a mis beaucoup de temps. Mm-hmm. On a mis. En fait, cette formation existe depuis qu'on s'est rencontrés à nouveau avec Philippe. Donc, on est en quelle année, là? En 2023. Merci. Oui. On s'est rencontrés en 80... Oula. Attends, il y a une dizaine derrière. 96 ou 17. D'accord. Et chacun, on a des activités en musique à droite à gauche, quoi. Et on a pondu cette chose-là avec d'anciens titres remodelés, puis des nouveaux que j'ai pondus et qu'on a fait tous ensemble. Sans eux, évidemment, cette chose-là n'existerait pas. Et puis, on a eu des subventions, et puis grâce aux subventions, on a pu rentrer dans ce studio-là, et puis faire la jaquette et toutes ces choses-là, quoi. D'accord, donc c'est tout un cheminement, ça a mis un certain temps, beaucoup de travail, et là maintenant ça y est, l'objet est sorti, donc tu l'as entre les mains, où est-ce qu'on peut le trouver? Pour l'instant on ne peut pas là, le trouver. Si, dans mes mains. Dans tes mains, ouais, pour l'instant. Voilà. Donc non, mais après les gens vont venir au studio pour venir le récupérer. Hein. Oui, bah, pour l'instant il n'est pas distribué. Il n'est pas encore distribué, non. Donc ça va se passer dans combien de temps? Je ne sais pas. Tu ne sais pas encore, ouais. C'est pas décidé peut-être? C'est pas trop décidé pour l'instant. D'accord, donc là tu viens pour nous présenter l'album, voilà. Vraiment en exclusivité. En fait, la sortie. Et pour donner envie aux gens d'attendre. Oui, a priori la sortie ce serait pour le mois d'octobre. D'accord. Voilà. Et voilà. D'accord. Donc pour le mois d'octobre, ça laisse encore quelques temps parce qu'il y a, il y a peut-être des choses à mettre en place au niveau de la distribution et tout ça. C'est surtout c'est ça. C'est ça l'affaire. Sinon, l'objet, lui, il est il existe là. Déjà. Il est là. L'enregistrement est fait. Il n'y a plus à revenir dessus et tout ça. Voilà. On a eu des passages radio aussi. Bon, c'est au Pays de Galles. Au Pays de Galles. Ouais, ouais, c'était, d'accord. C'était sympa. France Bleu aussi. Et puis, puis on a quelques dates de concert. Et puis bon. Il va bien finir par sortir. En tout cas, il est tout chaud, il est là. Et puis, ben, c'est une aventure là, de 7-8 ans. Quoi. Ah ouais, carrément. Donc, oui, ouais. C'est vrai qu'il y a des morceaux qui datent déjà de 7-8 ans, d'autres qui sont plus récents. Et d'où est venue l'idée, justement, de faire cet album? Parce que, bon, on avait dit que c'était des chansons engagées. Oui. Là, on a écouté le premier morceau qui s'appelle « Terrien ». Oui. Donc, on parlait tout à l'heure de la pauvre monde, pauvre terre. Oui. Donc, la terre, en disant que finalement, les habitants de la terre, ils sont pas grand-chose non plus. Et... Bah, c'est sur les inégalités, quoi. En fait, c'est un constat amer, écologique, enfin, sur l'écologie, sur l'évolution, enfin, sur la suite de la planète, quoi, ce qui se passe. Quoi. Et il y a un peu... Voilà, c'est des choses que tu as déjà dans le cœur depuis pas mal de temps et que tu avais envie de mettre sur des chansons, quoi. Bon, ben, c'est un constat d'une réalité implacable. Oui. un constat qui sidère tout le monde, quoi. Qui sidère certains. Peut-être pas tout le monde, parce qu'il y en a certains que ça va bien comme ça. Bon, voilà, quoi. Ça engage. Et disons, jusqu'à présent, on me reprochait, enfin, des proches que. C'était pas assez engagé, quoi. Et mes textes et tout ça. Et bah là, de fait, là, ça l'est, quoi. Mm-hmm. Et puis la musique accompagne les mots. La chanson d'après, le titre d'après, qui s'appelle en l'occurrence La Frontière, c'est un titre que Olive Ricardo a pondu. D'accord. J'ai participé un peu sur les paroles, et globalement, c'est lui. Et puis voilà, c'est toujours dans cette même veine, en écoutant les textes et en entendant aussi les cris des guitares, on comprend la haine du peuple. Mmh. Très bien. Sinon, pour la composition, est-ce que c'est d'abord la musique, est-ce que c'est d'abord les paroles, ou est-ce que les deux viennent ensemble? Comment ça se passe? Puis apparemment, comme vous êtes plusieurs, donc vous faites ça à quatre mains. À quatre mains, à huit mains. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ah, c'est toujours la question bizarre, quoi. C'est plutôt le texte d'abord, et puis après c'est un couple, hein, entre le texte et la musique. Il n'y a pas de règle. Mm-hmm. mais en tout cas, la seule chose qui va, c'est qu'il faut être seul pour pondre ce genre de choses là. Et après, il n'y a pas de règle. Mmh. C'est quand l'inspiration vient, finalement. Il n'y a pas de règle. Parce que moi, je pose souvent cette question-là à tous les artistes qui sont venus ici. Et c'est vrai que des fois, c'est une méthode, des fois, c'est une autre. Et puis, finalement, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas vraiment de règle. Oui. Quand l'inspiration vient, ils peuvent écrire 3 ou 4 chansons d'un coup. Et puis après, pendant un certain temps, il n'y a plus rien qui vient. Donc voilà, ils n'ont pas l'inspiration. Mais heureusement qu'il n'y a pas de règle. Heureusement. C'est horrible. Ouais. Non, mais est-ce qu'on a pu voir aussi... Il y avait un film qui avait été fait dans les années 80 qui s'appelait Le Graphique de Boscope. Je ne sais pas si vous avez vu ça avec Romain Bouteille. Oui. Tu l'as vu? Oui. Et l'histoire, c'était justement quelqu'un qui avait inventé une machine à faire des tubes. Mmh. Et en fait, la finalité, c'était que voilà, ça sortait que de la daube à la fin. Mais en fait, pour rejoindre Pierre, il n'y a pas de règle. Je peux en parler un petit peu aussi. Un petit bah peu, oui, parce que toi aussi, tu es auteur, compositeur, interprète. De faire des chansons. et voilà, j'aime bien l'expression que tu as utilisée, c'est un mariage, c'est une union, c'est entre un texte, une musique qui se trouve, etc. Mais ça, c'est il n'y a pas... Oui, alors, par contre, tu seras d'accord que effectivement, il peut y avoir, comme tu dis, pas l'intuition, mais Qu'est-ce que j'ai dit feeling, oui, l'inspiration. Mais après, il y a quand même un travail de mise en place. Ah oui, bien sûr. Le plus compliqué étant de faire simple. oui, c'est justement à force de rajouter des choses. Après, ce qu'il faut, c'est enlever toutes les choses jusqu'à ce qui est juste le plus important. Faut être honnête. Oui, je pense que Je pense que là-dessus, je suis d'accord. Et puis à propos des tubes, on a déjà vu des artistes qui avaient eu du succès, voilà. Et puis ils sortent une première chanson, ça marche très bien, tout ça. Ils sortent une deuxième, c'est pratiquement la copie conforme. Ça marche déjà beaucoup moins bien. Et puis après, c'est terminé parce que finalement, en utilisant toujours la même recette, eh ben, ça marche plus. Au bout d'un moment, les gens ils se lassent. Et on a besoin d'avoir justement les gens qui écoutent la musique, d'avoir des choses qui changent au fur et à mesure. Donc, justement, quand on écoute un album, on aime bien que les chansons, même si elles ont été écrites par la même personne, qu'il y ait quand même une évolution et que d'une chanson à l'autre, on voit quand même, on voyage, quoi. Il faut quand même qu'elles soient légèrement différentes. Il ne peut pas y avoir une recette. Non, mais encore une fois, heureusement, parce que sinon, ça serait, ben voilà, on écouterait toujours la même chose. Ce qui a tendance, malheureusement, dans la variété à être. Hein, parce que quand tu vois. Les formats. Les formats, les. Même, je vais donner un exemple, là, il y a une. Adèle, je crois que c'est ça, une blonde belge, là. Qui est sortie. Angèle, voilà, Angèle. Et regarde le nombre de nanas derrière qui sont sorties, qui sont exactement sur le même créneau, la même. C'est à la limite la même coupe de cheveux et tout ça. Il y a des phénomènes de mode, effectivement. Hein, donc, moi, ça me saoule d'une force, tu peux pas savoir, mais ça, tu me connais. C'est la bière. Ouais. On va dire ça. C'est vrai que ce qui est important, c'est aussi l'originalité. Absolument. Il y a certains artistes qui ont apporté quelque chose à un moment et qui ont été fidèles à eux-mêmes, qui sont restés dans l'histoire de. Tiens, les trois personnes qui sont sur le tableau derrière, Léo Ferré, Georges Brassens, c'est qui le troisième Jacques Brel. Voilà. Non, mais d'ici, je vois pas. Et en plus, j'ai mis les lunettes pour voir de près, donc forcément, Mais bon, c'est Jacques Brel, effectivement. Eux, ils ont aujourd'hui, on les cite encore comme exemple, et ils avaient leur style à eux, ils ont su le conserver. Avant eux, il n'y avait pas ça. Ils ont apporté vraiment. Il y avait autre chose. Oui, il y avait autre chose, mais justement, ils ont joué l'originalité. Mais les trois-là, je crois que ça va rejoindre ce que disait Pierre. Les trois-là, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient la sincérité. Chose que beaucoup n'ont pas. c'est vrai. Ah ben oui. Hein, ces trois-là, si tu parles de sincérité dans la chanson française, voilà les trois bons exemples de ce qui se faisait. Après, il y a eu deux disparitions là, cette semaine. Il y a eu Tina Turner, on pourra en reparler un peu tout à l'heure si tu veux. Mais il y a aussi Jean-Louis Murat. Aussi, ouais. Qui est décédé hier. Et voilà aussi un mec qui était sincère dans ce qu'il faisait. C'est ça. Et aujourd'hui, des gens comme ça, on a tendance à les mettre de côté, malheureusement. Parce que c'est pas vendeur, parce que. Trop honnête. Trop honnête aussi. Trop honnête aussi, ouais. Et surtout Jean-Louis Murat, lui, pour être honnête. Il sortait des vérités qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde. Mais enfin, bon, il avait son truc à lui, hein, c'est vrai. Oui, il avait son univers. Mais il était honnête avec lui-même, déjà. C'est ça, hein, Pierre, c'est être honnête avec soi, déjà, quand on fait. Ah, ben oui. Et puis après, c'est... Comment dire, en étant honnête, ça permet de rencontrer aussi des gens, d'être. Ça fait des vraies relations avec les gens. Quoi. Oui, absolument, oui. Il faut être authentique, parce que si on essaie de jouer un rôle et d'imiter, comme certains le font, hein, ils imitent. Par exemple, il y a eu beaucoup de ce phénomène-là avec les artistes américains. Donc il y avait les artistes américains qui avaient un succès international et les artistes français qui imitaient un petit peu l'artiste américain pour toucher le côté. Là, c'est différent parce qu'il y a eu des tas d'exemples de quand c'était bien fait. Il y a des choses qui ont été mieux faites que d'autres. Qui ont été bien faites, mais il y en a où ils ont essayé de copier à l'identique et avec des traductions très aléatoires. Et c'est vrai que ça puait, quoi. C'était de la daube. Par contre, il y en a qui ont travaillé, qui sont entourés d'auteurs, de compositeurs, d'arrangeurs, qui ont repris donc des morceaux. Moi, je suis en plein dans Johnny en ce moment, c'est bien. Ouais, parce que bientôt, c'est le 15 juin, c'est ça. Ouais, le 15 juin. Mais donc, j'ai potassé pas mal sur Johnny. Et notamment, par exemple, une chanson qui avait très bien marché par les Animals, The House of the Rising Sun. La chanson, quand il est, lui, Johnny, ça lui a plu, mais quand il a voulu l'adapter, il a fait appel à Hugo Frey. Et franchement, les paroles, tout le monde disait que ça n'allait pas coller à Johnny. Donc ils ont adapté des paroles pour Johnny, toi. Donc c'est ça, ils ont vraiment travaillé le truc, ils n'ont pas pris les paroles, fait une traduction à peu près en français et balancé. Il a fait pareil pour Ed Joe, sur pas mal de chansons comme ça, quand il a fait traduire. Mais Claude François aussi faisait ça très bien. Il y avait des gens. Parce que les gars, ils s'entouraient, ils avaient une équipe, ils travaillaient vraiment la chanson dans l'adaptation. Alors qu'il y en a eu beaucoup qui ont pris la musique et ça n'a pas donné des choses terribles. Ils ont mis leur voix dessus. Voilà, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Voilà, donc ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'imiter pour réussir à faire quelque chose de très bien. Imiter, non, il faut rester authentique. Voilà. Et les artistes que tu nous as cités, là, forcément, ben, ils avaient leur style à eux. Hein, on ne dit plus. Johnny Hallyday faisait du rock and roll, il faisait de la chanson, il faisait du Johnny Hallyday. Voilà, ils ont leur signature. Et donc, Pierre, ce soir, il a aussi sa signature. Pierre, moi, il y a deux choses que j'adore chez Pierre. Et c'est pas parce que t'es là hein, que je le dis. Non, mais je j'aime beaucoup sa voix. T'as une voix qui est peu commune et que voilà, qui est très reconnaissable tout de suite. Et ton écriture. Moi j'adore l'écriture, les écrivains, et toi tu fais partie de la première fois que j'ai écouté cet album là, La bicyclette, j'ai été sidéré par l'écriture. Donc et c'est pour ça que je pense la que poésie. Ouais, c'est de la poésie. Ouais, c'est beau. Même si Gainsbourg disait que c'était pas de la poésie, moi je trouve que la chanson c'est de la poésie quand même. Si, il disait que c'était un art mineur et je suis pas d'accord avec Gainsbourg là-dessus. Ouais, beaucoup. Il a dit plein de belles choses, mais alors des fois il était un petit peu à côté. Hein. Ouais, bon, on l'aime quand même. Ouais, on l'aime quand même. Ouais. Ça fait partie aussi des grands artistes en langue française. Ouais. Et en plus, je sais que toi, David, alors tu es venu très souvent dans l'émission. On a reçu des artistes qui chantaient en français, d'autres en anglais, et tu avais toujours la question. On dit pourquoi vous chantez pas en français, parce que toi tu es un amoureux de la langue française. Non seulement ça, mais pour en venir à ce que je disais précédemment, j'aime quand les choses sont bien faites. Et quand moi je parle très très peu anglais, je sais me débrouiller, j'étais en Angleterre plusieurs fois, je me débrouille pour trouver mon chemin, mais j'estime qu'à partir du moment où je comprends un texte tout de suite, c'est qu'il est mal prononcé. D'accord. Ah, t'es un peu comme moi, toi. Moi je parle très bien l'anglais, mais le souci c'est que les anglais me comprennent pas. J'ai jamais compris pourquoi. et c'est vrai qu'on a une très belle langue et voilà, moi je suis content de connaître des gens comme Pierre, comme d'autres hein, que je connais qui écrivent très bien, parce que voilà, il y a de la nuance, il y a du charme, il y a de la beauté, il y a tellement de choses dans notre langue, comme le petit Stéphane là que t'as reçu il y a pas longtemps. Stéphane aussi, acoustique avec son, ouais, son projet acoustique. C'est sympa aussi solo. Ce qu'il écrit. Ouais. Et en plus. C'est quelqu'un que je connais déjà depuis pas mal de temps. J'ai toujours un plaisir à le recevoir. Il est super agréable. Moi, j'aime bien aussi la rencontre avec des vraies personnes authentiques. Hein. Et Stéphane, lui, il écrit des textes. Et tout à l'heure, on a passé un morceau qui s'appelle La Grenouille. Oui, j'ai écouté. Et qui nous a expliqué voilà, l'histoire de La Grenouille. Parce qu'au début, j'écoutais ça. Je dis, ouais, c'est un peu une chanson pour un enfant, pour des enfants et tout ça. Et après, j'ai compris. Mais il nous a expliqué justement que c'était son papa qui l'accompagnait et qui lui avait fait découvrir les grenouilles dans une mare. Et lui, 30 ans après, il a fait la même chose avec ses enfants. En vérité, ça parle pas que des grenouilles, ça parle des moments qu'on a passés et la transmission aussi hein, qu'on peut faire avec nos enfants. Donc maintenant, c'est vrai que quand je l'écoute, je l'écoute différemment parce que je dis, elle est encore plus jolie une fois qu'il me l'a expliqué qu'au départ. Quoi. Je l'ai apprécié tout de suite, j'ai bien aimé, mais finalement, en connaissant le fond, c'est encore plus agréable. Quoi. Très bien, donc on va écouter le deuxième morceau, parce qu'on papote beaucoup, okay. Et on a pas mal de morceaux à écouter, donc le deuxième c'est La Frontière. Voilà, je viens d'avoir un message de Philippe qui demande à quelle heure il peut appeler. D'accord, on s'organise, hein, on fait tout en direct live, hein. Donc là il est 20h, juste après la chanson s'il veut. Voilà Philippe, si tu nous entends. Ou même pendant la chanson, comme ça on le met... Voilà. On le met en attente et puis comme ça on parle avec lui juste après. Okay. Fais comme ça ? Ça marche. C'est parti. Elle est par où la frontière ? Y a pas de marque à terre. Une pierre ou une rivière ou un blaireau qui la gère. Elle est par où la frontière ? Ça sert à quoi une frontière? L'ai-je déjà dépassé? Sommes-nous en liberté? Elle est par où la frontière? Ça sert à quoi une frontière? Faut avoir l'esprit tordu pour trancher ainsi la terre. Elle est par où cette putain, elle est par où cette canne, sommes-nous enfin arrivés, sommes-nous À quoi ces barrières qui nous desservent, c'est bon de respirer au loin des barbelés. Je veux bien montrer mes papiers aux fleurs, aux azalées, aux buissons déracinés. Laissez-moi en liberté. Deuxième morceau de cet album qui s'appelle Terrien, c'est Pierre Doranlo, on va le dire en français, en nord de la France, hein, Doranlo, alors, avec le projet oui, Doranlo. Le groupe, ouais, c'est le groupe Doranlo. Doranlo. Pierre Doranlo. On va dire comme ça, voir. D'accord. Ouais. Mais bon, c'est toi qui es là ce soir. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir, puisque toi, tu as fait déjà cet album, et tu nous as dit où cette fois-ci, tu t'es engagé un peu plus, et tu fais des morceaux qui, avec tes camarades, des morceaux qui sont plus rock'n'roll. Yes. Yes. D'ailleurs, on a une personne qui est au téléphone. On va voir si tout fonctionne bien. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, toujours là. Bah, ça marche toujours, impeccable, bah, super, bonjour. Du premier coup. Bonjour, hein. Donc c'est Philippe qui fait partie du groupe, hein, donc et tu nous appelles donc pour nous parler un petit peu de cet album. Et donc on est plusieurs ici dans les studios. Il y a moi, Albino, donc il y a Pierre, il y a Bertrand, il y a David McLean. Donc on est tous ensemble, on discute de l'album. Je sais pas si tu as écouté depuis le début de l'émission. Donc en fait, on attend que tu nous dises du mal de Pierre. Vas-y, vas-y. Il faut se méfier de Pierre. Non, blague à part. Non, j'écoutais depuis le début de l'émission. Bon, c'était pour plaisir d'entendre ces chansons à la radio. Nos chansons, on va dire. Voilà, et puis, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce projet? Bon, ben, c'est un travail, comme expliquait Pierre, un travail de longue haleine. On a travaillé quand même pas mal de temps sur ce projet. Et puis, comme expliquait Pierre aussi, bon, on s'est rencontrés, on était ados. On était scolarisés encore. Moi, j'avais quoi 15, 17, 16 ans. Ah ouais. Ouais, et puis, avec 17, 18 ans. Puis, on a commencé à faire de la musique ensemble en tant qu'adolescent. Donc, scolarisés, tout le monde. Je crois que lui était en terminale. Moi, j'étais avant une étudiante d'horlogerie, parce que j'apprenais l'horlogerie à cette époque. Voilà. Et puis, donc, après, on s'est perdu de vue, comme il a très bien expliqué, pendant 35 ans. Voilà. Et puis, un beau jour, ben, je jouais du côté de l'île habitée, donc, dans le Verdon. Je jouais avec des musiciens, puis on s'est retrouvés comme ça, par hasard. Ah ouais, très bien, quoi. Voilà. Comme quoi, hasard. Le hasard donc, fait bien les choses. Lui, il m'a reconnu, moi, je n'ai pas reconnu, en fait, au départ. D'accord. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Et puis, c'était Pierre, et après, je l'ai très vite reconnu. Voilà, donc on a un petit peu parlé de nos vies et de ce qu'on devenait chacun de notre côté. Donc ben, Pierre a toujours fait de la musique, même s'il avait un grand parallèle métier très honorable dans des secteurs. Mais là, il a fait tout autant de musique. Et moi, donc, je m'étais lancé à fond dans la musique. Et puis, il est ce projet, en fait. Voilà, il est ce projet, parce que Pierre m'a dit, je voulais qu'on monte un projet avec une couleur artistique un petit peu rock, mais que ça reste quand même de la chanson française. Bon, les paroles sont quand même très puissantes, et on voulait quand même porter une musique qui masque le texte. On voulait vraiment mettre le texte en musique, c'est même. On va mettre, ça reste quand même des chansons. Et on n'est pas mécontent de ce qu'on a fait, en fait. Parce que bon, ben, les chansons sont là, les textes sont des réceptions très courantes. Ensuite, les textes sont enregistrés très rapidement. Et voilà, je trouve que c'est tout. Très bien. Je ne sais pas si j'articule bien ou pas. Là, on t'entend mieux. Ouais, ouais, parce que des fois, le niveau baisse un petit peu. Là, on t'entend. Ouais, parce que c'est le téléphone, là, j'ai pas vraiment beaucoup de réseau. D'accord, très bien. En fait, voilà, donc j'essaie de me déplacer justement pour essayer de trouver le meilleur. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, c'est mieux là. Bah, je bouge pas alors. Bouge plus là. Bouge plus. Bouge plus. T'étais là. C'est même pas. Il était là. Là, c'est mieux. Très bien. Ouais. Bah, on est en direct live, hein, donc forcément, il peut y avoir des petits soucis techniques. On arrive à comprendre, mais c'est vrai qu'on était obligé un petit peu de tendre l'oreille. Donc tu nous as parlé de Pierre, ta rencontre avec lui. Donc ça date déjà depuis pas mal de temps. Et puis vous êtes retrouvés donc. Plusieurs décennies plus tard. Ouais, 35 années plus tard. 35 années, donc voilà. Donc, et là, vous avez fait donc cet album. Alors, est-ce que vous êtes vraiment satisfait de l'album ou si, est-ce que déjà, quelques jours après, vous vous dites il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire autrement ou... Ah ben oui, parce que ça peut toujours être mieux, de toutes les façons. Dans le travail artistique, après... Arriver à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Après, ouais. Ben oui, parce qu'après, le problème, c'est qu'on a fait ça avec peu de moyens, en fait. Il faut dire, voilà, on a. L'enregistrement, c'est avec très, très peu de moyens. Bon, après, comme on l'explique, tout ce qui est un petit travail de mixage et mastering, bon, on a essayé de le travailler correctement dans de vraies conditions. Voilà. Mais bon, mais c'est vrai que, par exemple, la batterie, quand on l'a enregistrée, ça a été fait avec trois micros. D'accord. Oui, vraiment des petits moyens. Pareil pour les prises de guitare, avec des sons de simulation. C'est même pas un ampli vraiment qui est branché avec un micro devant, parce qu'on ne pouvait pas le faire pour faute technique. Donc il a fallu trouver les outils qu'on avait pour essayer d'en tirer le meilleur. Quoi. Mm-hmm. On n'est pas mécontent quand même. Mm-hmm. Mm-hmm. Le résultat quand même. C'est plutôt réussi, oui, tout à fait. La qualité de son. Au départ, quand on a commencé à enregistrer cet album, au départ, c'était que des maquettes qu'on voulait faire. Mmh. Voilà, des maquettes pour se faire une idée des chansons. Il n'était pas plutôt question d'enregistrer pour faire un produit et puis après le presser. Et puis, si, par rapport au travail qu'on a fourni, ça a pris une tellement belle tournure. Au fur et à mesure qu'on a travaillé dessus, qu'on s'est dit, mais on va le finaliser. Quoi. Ouais, ça vous a encouragé à continuer, à persister, à améliorer. On a finalisé parce qu'on était la couleur musicale, on avait trouvé tout ce côté artistique, un intérêt dans ce côté artistique musical qui vraiment nous plaisait à tous. Quoi. Voilà. Très bien. Donc, les grandes lignes. Mmh. Après, bon, il y a 6-7 ans, comme expliquait Pierre, de travail, donc on ne peut pas tout raconter comme ça, c'est serait trop trop. Est-ce qu'il y a justement peut-être une petite anecdote qu'on peut relater ce soir sur l'enregistrement ou sur la composition ou simplement sur vos rencontres lors des répétitions? Ah ben, ou alors il y en a tellement que c'est pas évident de choisir. Il y en a pas mal, et puis bon, ben, on était contents de se retrouver pour enregistrer, et puis les choses, on les a faites, refaites, et puis effectivement, bon, il n'y a pas vraiment... Après, c'est vrai que quand on était dans un système de travail, on essayait de travailler. Voilà, on essayait vraiment d'être efficace, parce que bon, c'est vrai que Pierre était un pigeon voyageur, il était constamment en déplacement. Verdun, Paris, Orléans... Enfin, oui. Non, on bougeait, donc quand on arrivait à le choper pour enregistrer, il fallait que le travail soit fait. D'accord, donc il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas... Exactement, ouais, c'est ça. Le bassiste, c'est pareil, c'est une personne qui bouge beaucoup. à travers la France aussi, qui se déplacent beaucoup. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrivait à capter des moments où on pouvait travailler ensemble, ben, il fallait en profiter, puis on travaillait. Très bien. Donc, de travailler, de faire avancer les choses. Donc vous étiez content de vous retrouver tout ça, mais bon, d'abord, c'était le côté sérieux, donc il fallait faire cet album au maximum, et puis essayer de pas perdre trop le temps. Donc maintenant que l'album est sorti, vous allez pouvoir vous retrouver, et puis justement, passer plus de temps à boire. Faire autre chose. Important. Si vous voulez la récompense, effectivement, qu'on arrive à communier tous les quatre ensemble, c'est après de jouer. De faire des concerts, parce que c'est en fin de compte la récompense d'un travail, de ce petit travail qu'on a fait, en fait, parce que bon, on n'est pas aussi, voilà, la plus belle récompense qu'on peut avoir, puis effectivement se retrouver tous ensemble, c'est d'essayer de faire de jolies scènes et puis de se faire plaisir, parce que bon, c'est vrai que de toutes les façons, voilà, on arrive à des âges où on reste pas, on sait très bien qu'on ne sera pas des stars, mais au moins qu'on arrive à exploiter notre album sur scène. Et puis, ce sera pour nous le plus grand bonheur. Mmh. Parce que là, pour l'instant, vous avez fait un travail, vous avez composé, enregistré, vous avez l'album. Là, vous allez vouloir le défendre justement sur scène. Et sur scène, il y a aussi le contact avec le public. Hein. Donc là, vous voyez tout de suite si ça plaît ou si ça plaît pas, les réactions, comment ça se passe, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, on a commencé à jouer un petit concert justement de décès. Dans de petits endroits sur Bordeaux, et il y a un excellent accueil, hein. Vraiment, les gens aiment beaucoup, ils sont très réceptifs à ce genre de musique, en fait, hein. les gens aiment le rock, hein. Mm-hmm. Même les jeunes, hein, je vois, en règle générale, c'est une musique qui ne vieillit pas, quoi. Mm-hmm. De toute façon, parce que c'est pas une musique à effet de mode. Donc c'est une musique qu'on écoutait il y a 30 ans et qu'on écouterait dans 50 ans encore. Oui, je pense que ça c'est indémodable, il y aura toujours... Donc l'intérêt de... C'est pour ça que, si vous voulez, on n'a pas une date où on se dit c'est périmé dans 6 mois. On s'en fout. Si ça marche dans un an, ça marche dans un an, ça marche dans 3 mois, ça marche dans 3 mois. Mmh. On n'est pas pressé de se dire, bon ben il faut absolument qu'on réussisse. Non, on a passé ce stade. Je crois que Pierre, aussi bien que moi, n'a plus rien à prouver dans la musique. Et il y a un pigeon derrière toi ou quoi? je suis dans la campagne, là. Ce sont des tourterelles qui recoulent. Oui, c'est des tourterelles, effectivement. C'est bon, ça, des petits pois. Avec des lardons et des petits pois, c'est super bon. D'accord. Pauvre bête. Enfin, voilà, donc, en tout cas, je voulais vous remercier tous sur le... De radio, là, de nous recevoir, de recevoir Pierre aussi, puis de diffuser la musique. Ça nous fait grand plaisir. Bah, c'est un vrai plaisir pour nous aussi, hein, puisque de toute façon, c'est l'émission dans laquelle on reçoit des artistes de la région orléanaise. Et d'ailleurs, il y en a qui viennent de très loin, même pour cette émission. Et donc, ceux qui veulent se donner la peine de venir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on leur consacre une émission. Et puis après, c'est pareil, les enregistrements que vous nous laissez, bon, on les repassera dans les prochaines émissions et ainsi de suite. Hein. Le but est justement de faire connaître les artistes. Et c'est vrai que beaucoup de radios diffusent tous la même chose. Et puis nous, on s'est dit, on va essayer de s'orienter sur vraiment les vrais artistes, les gens qu'on rencontre, les gens qui font de la scène, les gens qui trichent pas. Et puis forcément, on a fait des très bonnes rencontres dans l'émission Mavrika. Et ce soir, c'est un plaisir de recevoir Pierre, en tout cas. Et aussi de t'avoir au téléphone. Ça va, Philippe? Oui, ça va, mon ami, et toi? Bah, pareil. Donc, tu rentres quand? Ça va du boulot à faire, quand même. Je rentre bientôt. Je reviens à la maison. Hein. Oui. Je suis à côté de Bertrand Fro, que je te présente. Salut Philippe. Oui, bonsoir monsieur. Tu peux le tutoyer. Hein. Tu peux le tutoyer. Je prends coup de vieux. Pose tes valises. Voilà. Bien, t'es vieux. De toi, Bertrand. Il se prend pour un jeune. Non, ah non. Là là, ça marche pas. Bah, à la radio, on peut faire croire ce qu'on veut. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc Bertrand Fro, voilà. Et puis David McLean juste à côté. Donc. D'accord, oui. Je vous salue tout ce beau monde. Bah, on te salue, toi, dans ta campagne, là-bas, tout seul. Ah oui, pas tout seul, j'ai une femme et des enfants, quand même. Et tourterelles. Les tourterelles, ouais. Oui. J'ai un chat aussi depuis sympa. Peu. Et il n'a pas bouffé les tourterelles? Non, il est très mignon. Le beau sud-ouest. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, écoutez, nous, ce qu'on espère, c'est, voilà, c'est comme disait Pierre, c'est qu'on arrive à trouver une distribution sérieuse. Cet album, là, on aimerait bien aussi qu'il arrive un petit peu sur toutes les plateformes de téléchargement, qu'on arrive aussi à trouver un tourneur qui s'intéresse à ce qu'on fait. Bon, après, c'est un travail, nous, qu'on doit faire en parallèle par rapport à la sortie de l'album, pour qu'on arrive à tourner, c'est-à-dire faire des festivals où les gens justement découvrent des projets qu'ils ne connaissent pas. Il y a tout un travail maintenant à faire, maintenant que le plus dur arrive maintenant en fait. Mmh. Bon, ben, c'est-à-dire que maintenant que vous avez l'objet, vous avez l'enregistrement, il va falloir le défendre, il va falloir le faire connaître au maximum quoi. Ouais, exactement, c'est ça, il faut le faire connaître. Bon, c'est déjà bien qu'il y ait une radio comme la vôtre qui diffuse, c'est déjà magnifique parce qu'il y a des... Allô? Ouais, je ne sais pas ce que lui là, ça marche plus. Des fois, ça coupe un petit peu là, ça tend à baisser un peu. Vraiment désolé. Oh, non, mais on est en direct limite, là, c'est pas bien grave. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais éventuellement vous dire? Ben, qu'on était, que c'était bien qu'il y ait des radios qui retroussent les manches et puis qui essaient de diffuser et puis d'écouter des artistes qui font des projets, on va dire, en sous-marin comme ça, parce que bon, on peut pas dire que. Voilà, on a d'autres goûts de téléphone. Allô, allô. Voilà. Très bien. Ah, faut que je prenne. Ouais, essaie de. Non. Oh, non, c'est pas grave. Vas-y, comme tu veux. Allô. Voilà, on essaie de se répartir les tâches parce qu'on est tous à. Bon, bah, Philippe, gros bisous en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, d'avoir appelé. Bonsoir, Philippe. C'était un plaisir. Et puis, bonne émission. Et puis, bonne continuation à tous. Merci. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour avoir pris la parole. Voilà. C'est gentil, je vais continuer à écouter l'émission. C'est comment ton nom? Bisous Philippe, à bientôt. Au revoir, bise. Ouais, ciao. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Hubert Félix. Voilà. Donc, on est à l'antenne sur Radio Arc-en-Ciel. Ce que je propose, c'est qu'on envoie. Ouais, donc on a des personnes qui nous appellent. Ce qu'on va faire, on va envoyer un morceau et puis on le présentera juste après. Et puis comme ça, on va continuer à discuter parce qu'on est ensemble avec le projet d'Orenlo. Et on a un album à vous faire découvrir ce soir. Donc c'est le troisième morceau qu'on écoute tout de suite qui s'appelle, c'est un morceau Fauché par la disgrâce. Voilà, quelque chose de simple. Non. Du coup, j'ai trouvé l'autre. Ah. C'était comment déjà? Cheese. Ah, cheese. Voilà, ah, oui. On écoute cheese tout de suite. C'est parti. Pêcher des souliers, des loques en plastoc, des carcasses de godasses, des bidons, des langoustes au mazout, à l'arme sur le macadam, pétrolier carnassier, le poiscaille se taille, y'en a marre. Ras le bol, tout ça, ça gave. Ouais, ça gave. Étanche, pas étanche, des carpes, patraque, des truites déjà cuites, des gardons dans le creton, des bourgeons en saison, l'âme sont laisse béton. Les goujons en dénion, les tortues sont perdues, y'en a marre. Ras le bol, tout ça, ça gave. Ouais, ça gave. Elle fait cheese. La banquise. Elle fait cheese. Des moteurs, des voleurs de bonheur, des pics tragiques, des moustiques toxiques, de la zone de l'ozone, des galères de la terre, La planète reste honnête, mouchette de galette, y'en a marre. Ras le bol, tout ça, ça gave. Ouais, ça gave. Elle fait cheese. Le homard en a marre. Le héron moribond sans savon, sans goudron. La morue mal fichue, éternue, s'est foutue. La rivière en galère d'urticaire. Dégénère. Galère. Ras le bol, tout ça, ça gave. Ouais, ça gave. FLG. On attendait un coup de téléphone et c'est une fois qu'on est au... Alors, ce qu'on fait, est-ce qu'on va faire? Vas-y, alors nous on va parler puis on te laisse répondre. Voilà, voilà, c'est ça. C'est, on va essayer de débrouiller comme je ça. Je vais faire une interview terrible. Je crois que c'est Christophe. Et alors, monsieur Pierre de Renlo, est Dieu dans tout ça? On en parlait justement il y a peu de temps avec Bertrand dans la voiture. Et qui ça? Dieu, tout simplement. Les dogmes ou... Durand-Lo. Durand-Lo. Durand-Lo. Non, mais je ne veux blesser personne. Chacun sa foi et chacun sa pas-foi. Chacun ouais. Son foi. Chacun son foi. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça, ouais. Non, mais quel est le sens de ta question précédemment? Aucun. C'est Dieu. Tu connais pas, c'est comment il s'appelle c'est Jacques Dieu. Chancel. Je connais pas, non. qui faisait radioscopie. Oui. Et qui avait posé cette question-là à Georges Marchais. Ah oui. Ah oui, et alors qu'est-ce qu'il c'est est... bon, ça. Il oui. Faut le réécouter sur l'INA ou je sais pas quoi, mais c'est. Tu sais, il est dans toute la conversation. Il avait une conversation très sérieuse et tout ça. Mmh. Et tu. Enfin, vous connaissez Georges Marchais. Oui. Enfin, pour les plus jeunes, c'était le patron du Parti communiste à l'époque. Et c'était un quelqu'un de très volubile, très. Ah oui, c'est un personnage. Très chaud. Ouais. Et à un moment donné, Jacques Chancel s'arrête et fait Georges Marchais. Et Dieu dans tout ça. Très bien. Donc on a une personne au téléphone, donc on va continuer. C'est Dieu déjà, car peut-être. Oh Seigneur. Allô, bonsoir. Allô. Il a eu peur, Dieu. Allô. Allez Dieu, montre-toi. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon bah tout à l'heure on avait eu de la chance, cette fois-ci non, ça n'a pas l'air de fonctionner comme il faut. Bon ben on va attendre à nouveau. Bon ben on va continuer la discussion alors. D'accord. C'est un petit peu compliqué, hein. C'est vrai qu'au niveau du téléphone là ce soir. Bon alors donc on a écouté le troisième morceau qui s'appelle Cheese. Hein. Finalement j'ai réussi à le retrouver parce que tout à l'heure je les avais dans le désordre et puis il me manquait un titre et finalement j'ai réussi à le retrouver. Alors Cheese comme fromage? Exactement. Non, oui, voilà, cheese. Le sourire. Le sourire. Ah, le sourire, d'accord. Mm-hmm. C'est d'autres classes. Cheese, spaghetti. Ou... Ouais. Mais là, c'est cheese. Cheese, la banquise. Donc, c'est sûr, bah, toujours pareil. Bah, ouais. Le constat de ça fond. Ça fond, ouais. Ça fond. On a de moins en moins d'eau potable. Ouais. Bon, il reste de la bière, comme tu disais. Mais il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour la faire. Ah, bah oui. Mais des fois, je me dis, on a de la chance, nous. On a de la chance. parce que bon, je pense, ben, on n'est pas, on partira avant que ce soit vraiment le gros bordel. Mais je pense que nos enfants et oui, on a de la chance de faire partie de d'une des générations qui a pourri la planète, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Même si on n'y est pas pour grand chose, mais faut être réaliste, quoi. C'est vrai que moi, je pense des fois à mes enfants et je me dis putain. Donc quoi, ils vont finir. Ah mais c'est monstrueux, sérieusement, c'est vraiment, on n'est plus dans la fiction. Là. Ah ouais, là on est dans. Et pourtant, ça fait tant d'années qu'il y a des gens qui sont là, faites gaffe, ouais, attention. Les gens pensent que même, enfin les gens, pas généraliser, quoi, globaliser, mais je veux dire, voilà, penser politiquement sur 5 ans, avoir aucune vision sur un avenir. Voilà, c'est trop court. Ils ont des visions trop courtes. Ils ont une vision sur l'élection qui va suivre, oui, et pas sur la réalité des faits. Et c'est nous, quand on perçoit, je te dis, moi, je pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'étais là, je me disais, putain, c'est nos enfants, comment ils vont faire, quoi. Nous, on sera dans le trou, je veux dire, quelque part, on sera plus là, mais il y aura leurs enfants et toutes les descendances. Comment ça va finir, ce bordel? Parce que quand même, merde, il y a de quoi se poser des questions. Bah, de moins en moins d'eau, l'eau qui reste est de plus en plus polluée, puisqu'il y a le moment, enfin, c'est une catastrophe. L'air. Ah oui, l'air, oui. Parce que finalement, on dit qu'il y a beaucoup de maladies, on ne sait pas d'où ça vient, mais finalement, on s'en doute un petit peu quand même avec ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit. Forcément, on se demande d'où vient. Mais attends, c'est pas fini, parce que j'écoute une émission régulièrement sur une radio concurrente qui est France Inter, à 14h, qui s'appelle La Terre au Carré. Et il y a des chercheurs qui ont remarqué qu'avec la fonte des glaces, en fait, il y a des virus qui vont ressortir. Des virus qui étaient en permafrost. Voilà, et ils savent pas ce que ça veut dire. Tu parles du pays, non? Hein? Tu parles du pays? Du pays. Non, je sais pas, tu parles de virus, je crois. De virus, oui. De virus. Ah, oui. ils savent pas, s'ils vont pouvoir les contrôler, ils savent pas ce que ça va donner. Oui, c'est-à-dire que oui, il y a eu effectivement des virus, c'est pas les premiers qui arrivent, hein, et on peut parler du Covid il y a quelques temps, mais effectivement, depuis le début de l'humanité, même avant que l'homme n'apparaisse, les virus, c'est quand même les premières formes de vie qui sont apparues dans les premières. Donc, depuis, ils ont fait pas mal de dégâts, et il y en a pas mal qui, heureusement, ont disparu. Bon, alors, je vais reposer la question pendant que tu réponds au téléphone. Pierre est Dieu dans tout ça? Il appelle. Il essaie de joindre. C'est ce qu'on appelle du running gag. Et t'as pas décroché le mot? Moi, j'ai pas décroché, moi. Mais j'y suis pour rien. Allô? Non, mais là, ça sonne encore et t'es décroché. C'est strange. C'est pas toi, là? Mais si, ça sonne là. Ça sonne là. Alors, on va dire au monsieur qui appelle, qui raccroche et qui rappelle. Parce qu'il y a un problème de téléphone. Et Dieu, raccroche, s'il te plaît. Alors, je vais lui écrire. Attends, son numéro. Ouais. Non, bon. Ceci étant dit, bon, voilà, on a parlé de. Bah, c'est toi. Là, vas-y, t'avais décroché. Bah, c'était bon. Allô, monsieur. Allô. Ah, ça y est. Ouais. Non, ça y est pas. Donc, il faut qu'il rappelle. Voilà. Bon, voilà, on a un petit souci avec le téléphone. Je ne sais pas ce qu'il y a ce soir, mais bon. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Donc, on parlait de quoi déjà? On parlait de virus, on parlait de Dieu, on parlait. De cheese. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il y a certaines épidémies qui ont été oubliées. Et, les virus ont été congelés dans les glaces et justement avec la décongélation de... Il y en a qui vont ressortir. Il y en a qui risquent de ressortir. Et qu'est-ce que ça va faire? Puisque ça se trouve, c'est des virus que l'humanité n'a jamais rencontrés. Oui. Donc on va se retrouver face à des virus qu'on ne pourra pas combattre. Et donc il peut y avoir une épidémie qui nous fait disparaître. Ouais, non, mais j'aime bien passer des bonnes soirées. c'est cool. Alors moi, j'ai une question à poser à Pierre. Rock'n'roll, ok. Rock'n'roll engagé, c'est plus rare quand même. Parce que, en général, le rock, c'est fait. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de chanteurs vraiment engagés. Bah, en rock, je parle en rock. Bah, si, on en parlait. On parlait du boss, par exemple. Igelin. Oui, bah Igelin, oui, voilà. Oui, il ouais, y en a. Oui, mais bon, c'est vrai que le rock est devenu un commerce, hein, donc... Beaucoup de groupes font de la musique sans vraiment avoir des engagements politiques ou des convictions à défendre. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des textes qui nous touchent et qui nous font réfléchir. Mais bien sûr, et d'où, enfin en France au moins, d'où l'utilité de chanter en français, que les gens puissent comprendre ce qu'il dit. Et d'écrire comme Pierre par exemple, parce que écrire en français c'est quand même pas évident. J'ai fait de la musique et c'est plus facile, je trouve, d'écrire en anglais. Pourtant, je suis français. Et là, c'est ce qu'on m'a souvent rétorqué dans cette émission. Gino et témoin, à chaque fois qu'il y avait des groupes qui venaient qui chantaient en anglais, je leur posais la question, pourquoi vous n'écrivez pas en français? Et souvent, on m'a dit que la langue anglaise est beaucoup plus mélodieuse. C'est vrai, c'est plus facile. C'est la facilité. Ouais, c'est vraiment la facilité parce que il y a des textes qui sont formidables. Bah tiens, on en a ce soir, mais au-delà de ça, et qui vont bien. Oui, mais c'est le français, c'est avant tout. Est-ce qu'il faut se creuser la tête, quoi, c'est surtout ça. Ah oui, l'anglais, c'est tellement spontané. Ouais, c'est deux mondes différents. Pas spontané, facile, mais spontané, pas forcément. Mais en fait, quand tu écris, c'est comme, comment dire, moi je suis visuel, quoi. Donc je vois la vie en bande dessinée. Oui. Donc quand je dors, ça m'arrive de me réveiller en rigolant, un petit peu, à part. Mais voilà, moi je suis visuel, et ce sont des panneaux. Et donc, sont des petites histoires, des petits articles de journaux. Et, comment dire, depuis le tant que j'écris en toute modestie et toutes ces choses-là, comme je disais tout à l'heure, j'ai des petits outils. Et là, les textes, en l'occurrence, continuent à écrire comme j'écrivais sur les autres albums, où, parce que j'en ai quand même beaucoup j'écris beaucoup, quoi. Et puis, il y a plein de choses qui resteront de côté, ou bien que je vais reprendre 10 ans après et qui vont devenir l'image d'autres choses. Mais en tout cas, je continue à écrire, et en mettant donc cette musique rock. Et après, je sais pas s'il y a du rock qui est contestataire, ça existe. Hein. Ah oui, mais ça existe, mais c'est pas ce qui fait Légion. Les gros groupes. Les plus c'est pas ce qui est connu. Médiatisé, en tout cas. Voilà, c'est pas. Ouais. C'est plutôt dans l'intro. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a effectivement qui sont contestateurs, etc. Oui. Mais qu'on passe pas dans les radios. Donc, pour passer dans les radios, il faut aussi être d'accord avec une certaine image. Donc, il y a des trucs, qui peuvent déranger, hein, au niveau politique ou des choses comme ça. Et justement, c'est pour ça qu'on les diffuse pas. Mais ils existent, hein, forcément. Oui, mais voilà, c'est peut-être dommage aussi qu'on ne le diffuse pas. Et puis, il me semble, moi qui suis plus un perdreau de l'année, moi j'ai connu toute une époque, des années 70, même au début de 80, où il y avait la chanson engagée. Il y avait la chanson dite engagée, oui. Ça existait. Aujourd'hui, non. C'est plus rare. C'est rare et c'est surtout bien planqué, quoi. C'est volontaire. C'est volontaire. Ouais. Oui. Ouais, et puis après, il y a aussi des chansons finalement qui ont été diffusées dans les radios et tout ça. Et avant, parce qu'on s'était pas rendu compte que c'était double sens et que finalement ça voulait dire deux choses. Oui. Et finalement, ça a été diffusé parce que ça a été tellement bien caché. Et une fois qu'on a su exactement pourquoi ça avait été écrit, finalement, elles ont disparu assez rapidement. Bah ouais, mais. On reste quand même sur notre. Enfin, moi, je reste sur ma faim aujourd'hui et quand j'entends ce que j'entends et quand j'écoute ce que j'écoute. Quand tu vois ce que tu vois. Et quand je vois ce que je vois, je n'en parle même pas là. Et quand tu sens ce que tu sens. Mmh. Exactement. Tu l'as pas eu, le monsieur, au téléphone alors? Bah non. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a un truc qui va. Alors Dieu nous appelle. Pour une fois que Dieu nous appelle. Bah voilà, tu décroches et ça sonne encore, c'est ça? Ouais, ça sonne encore. C'est ça que je comprends pas. J'ai toujours la tonalité. Donc voilà, c'est bon. À la limite, on pourra réessayer tout à l'heure. Ouais. Et puis Donc voilà, on parlait des chansons engagées. On essaie de résoudre le problème en même temps qu'on fait l'émission, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on va y arriver. Hein. Jusqu'à présent, on a toujours réussi. Est-ce que je peux avoir une exigence? Oh putain, j'ai du mal à parler, ça fatigue. Une demande. Oui, ça sera plus facile à prononcer. Voilà, j'aimerais bien écouter une chanson de Pierre que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle La bicyclette. La bicyclette. Ouais, tu l'as, toi? Bah, je vais chercher parce sinon que je suis pas sûr de l'avoir. Oui, sinon on va se débrouiller parce que on fera le tour. Pour information, cet album a été conçu à Orléans. Mm-hmm. Avec une équipe orléanaise. Une équipe orléanaise, voilà, en tant que musicien, donc et puis graphiste, mm-hmm. et Bertrand Froh, donc qui était à l'initiative un petit peu de tout ça, quoi. Et puis photographe orléanais, musicien, voilà. Des musiciens qui sont là, qui jouent même demain d'ailleurs. Oui, demain. On va avoir Pierre Brossard, voilà. La guitare, qui va jouer Place du Martroi. Voilà, je sais. Demain. Ah oui, faut le dire justement, si c'est des événements avec comme qui ça. Avec toi? Non, avec je ne sais pas qui. Non. Moi, je salue d'ailleurs Thierry Brossard. Oui, il nous a envoyé un petit message, donc on va aller le voir demain après-midi, Place du Martroi. Voilà, d'accord. Ah ouais. Et il a participé à l'album de Pierre. Ouais. Et je salue David Azac aussi. Le bassiste. David, ouais. C'est Thierry Tavernier. À la batterie. Voilà. Donc voilà, toi, c'est un bel album. Moi, je le passe régulièrement. Bah, trop bien, on va diffuser. Et cette chanson-là, j'adore. Très bien, on va la diffuser dans l'émission, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. En plus, la première fois qu'on s'était vu, il y avait ta fille avec toi. Oui, il y avait Juliette, la petite Juliette. Qui a bien grandi, hein, j'ai vu sur les photos. Elle a 21 ans maintenant. Elle a 21 ans. Ça ne rajeunit pas, tout ça. Oui. Ah, mon pauvre monsieur. Le temps passe. Elle a fini ses examens, ses partiels, c'est un bonheur. Ah bah c'est un bonheur, cet enfant. Mes trois filles, c'est un bonheur. Si vous m'entendez les filles, bisous, c'est papa. Les parisiennes. Très bien. Ok, on écoute donc le quatrième morceau, parce que finalement, il faut aussi qu'on avance un petit peu, parce que la moitié de l'émission est déjà passée. Et puis on en a beaucoup papoté, et on a encore pas mal de morceaux à découvrir. Donc on a écouté Terrien, La Frontière, She's, et la première prochaine chanson, c'est Fauché par la Disgrâce. C'est ça. Et ça parle de quoi, ce morceau-là? Eh bien, ça parle des migrants qui quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ils crèvent, et qui sont mal reçus, ou avec incompréhension, certains qui se noient, et d'autres qui sont derrière des barricades, enfin des murs qui se dressent, l'homme qui essaie de survivre et qui est refoulé sur un autre territoire. C'est de l'absurdité humaine, quoi. Voilà, donc entre êtres humains, on devrait s'aider, et puis on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Voilà. Il y en a certains privilégiés qui n'acceptent pas justement que d'autres reviennent. Tu choisis pas l'endroit où tu nais, quoi. Non, ça c'est clair. On écoute tout de suite. Les trottoirs de Magny, pour apprendre à marcher. Ah oui, c'est ça. Des vagues avec pour seul bagage, avec pour seul bagage la peur sur la peau. Je colmate les failles sur une mer de grimaces. Voile sur mer fatale, avec pour seul bagage la rage sur la peau. À la vie tel un chien tel un rat, je me cache pour respirer entre misère et mirage. Esclave sur terre natale, m'arrache de mes racines entre rivage et carnage. Secoué par des vagues avec mon seul bagage, avec mon seul bagage la peur dans les eaux. Voile sur terre fatale, chimère et espoir, lumière et désespoir. Par la disgrâce. mort dans l'âme. La terre se fane, ça s'engase. On crève de chaud, on crève de faim. L'homme est capot, l'avenir est naze. Mon mauvais tempo, mon corps a mal. Mon corps a soif, mon corps a faim. J'aimerais être un oiseau libre entre ciel et terre pour enfin dénicher tous ces assassins. La guerre, on ne savait plus quoi faire. On ne pouvait plus s'aimer, on ne pouvait plus penser. Il n'y a que les cons pour dire voici la vérité. Alors il faut tricher ou bien s'expatrier. Secoué par des vagues avec mon seul bagage. Avec mon seul bagage, des larmes sur la peau. Au-delà de l'eau, au-delà de l'horizon. Le bras de marin, zéro, trop mille hauteurs des barges. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Fauché par la disgrâce. On a aussi le bonjour de Christophe, parce que effectivement, il y a des gens qui essaient de nous avoir au téléphone, il y en a d'autres qui arrivent toujours. Donc là, c'est Christophe, le guitariste des Prisma, qui nous a envoyé un petit coucou. Il écoute l'émission. Alors habituellement, il aime bien nous appeler. Justement, il vous passe le bonjour. Donc il découvre ce soir. Le projet d'Orenlo. Mmh. Et donc il passe le bonjour aussi à David que tu connais, hein. Bien sûr, voilà, bien sûr. Notre ami Christophe. Christophe. Et donc Christophe qui nous a rappelé que le Rock in Rebrèche, c'est la semaine prochaine, hein. Donc ça c'est aussi un moment important parce que c'est un événement où il y a du rock and roll. Donc c'est sur 2 jours, hein, il me semble. Donc c'est le samedi, le vendredi et le samedi. Ouais. Voilà. Donc il était important de le rappeler. Donc notre ami Christophe qui nous écoute, on lui fait un petit coucou. Et puis on lui dit de faire un petit coucou aussi à tous les membres du groupe Prisma. Voilà. Très bien. Donc on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Alors ce soir, je vais rappeler les invités. Il y a Pierre d'Orenlo qui est là pour nous parler du projet d'Orenlo. Donc on va jouer avec les petites nuances. Bertrand qui est là aussi. Bertrand Fro. Bonsoir. David McLean qui on est tous les quatre ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on a parlé donc de cet album. On parle déjà depuis pas mal de temps parce qu'on parle plus qu'on diffuse de musique, hein. Donc on a un petit peu de retard au niveau de la musique. On va essayer d'envoyer les morceaux parce que le but c'est quand même de découvrir cet album. Ça s'appelle Terrien. Terrien, donc jeu de mots, hein, terrien, on n'est pas grand chose, et puis terrien, les habitants de la terre, tout c'est simplement. Ça. J'avais rencontré Gérard Palapra, je sais pas si ça vous parle. Si, tout à fait. Et à l'époque, moi j'ai travaillé un peu en studio avec lui, mais ça c'était en 82, 83. En 77. On a traîné un bout de temps ensemble, et il avait une chanson qui s'appelait Terrien, Terrien, Terrien du tout. Ils avaient monté un espèce d'opéra rock vert à l'époque. Tu parles, c'est l'époque. C'était vraiment prémonitoire. Oui. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas trop d'écologie et tout ça. Et voilà, c'est juste pour dire ça, t'es rien du tout. Je me rappelle, on avait travaillé ça un petit peu en studio avec. Ça t'a peut-être inspiré donc. Bah, moi je l'avais rencontré à Marseille, ah oui. Parce que j'avais un copain qui était à Marseille, tout ça machin. Et puis j'avais rencontré, il y avait son impresario, c'était un Corse, qui était plus large que haut. Et il avait plein de poils. Un vrai corse. Et Palapa, il était pas très grand. Mais bon, super sympa, quoi. Mais par contre, oui, non, c'était un gros. Ah ouais. Et c'était pas un sportif. Ah non, non. Ça dépend quel sport. Bref, voilà, c'était pas un pulmonaire, quoi. D'accord. Enfin, bon, bref. Mais oui, donc voilà, je l'ai croisé comme ça par hasard. Et enfin, non, pas par hasard. Nous, on était à Chalon-sur-Saône. Et il y avait un studio qui s'appelait Multison, et je l'avais croisé là-bas. C'était mes premières expériences en studio. Et donc, il m'avait un peu coaché sur un ou deux titres que j'avais enregistrés, enfin, des maquettes là-bas. Et c'est pour ça, à chaque fois, quand j'ai entendu ton titre, tout de suite, j'ai tilté, j'ai pensé à Gérard. Un clin d'œil. Gérard. Oui, oui, oui. Et ceci dit, je viens de recevoir un petit message de Christophe Stephen. Ouais. Qui me dit, j'essaye, j'entends, j'appelle, mais ça ne répond pas. Bah, là, je viens de l'avoir, je viens de le mettre sur la console, et une fois qu'il est sur la console, ça ressonnait. Donc, il devait avoir des problèmes de coupure, de réseau, je sais pas exactement. D'accord. Donc, parce que là, normalement, il y avait juste à monter le curseur et en discuter avec lui, et puis le téléphone a ressonné derrière. Ouais, mais on a dit que c'était Dieu. Ça a dû couper. Voilà. Et les voix du Seigneur sont impénétrables. Il devait y avoir un petit problème de réseau, je suppose, hein, parce que jusqu'à présent, on a réussi sur les autres, et là, il doit y avoir des coupures, je sais pas. Donc là, j'ai bien parlé avec lui, j'ai bien mis en attente pour justement discuter avec lui, et puis on l'a perdu. Bon, on va y arriver. Il nous reste encore pas mal de temps. Une heure dix, c'est bon. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est justement, cet album est sorti, donc maintenant il va falloir le défendre. Est-ce qu'il y a des concerts qui sont prévus pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? On en a fait 7-8, et il n'y a rien de prévu pour l'instant. Il n'y a rien de prévu? Non. Donc là, pour l'instant, voilà, vous venez de finaliser, bon, il est encore temps, vous commencez à démarcher peut-être. Le problème qu'il y a, c'est que, comme disait Philippe très justement, tu peux pas être... il y en a qui à la fois composer, sortir l'album et tout ça, puis trouver des dates, c'est un autre métier, quoi. Mm-hmm. C'est un autre métier. Fait. Donc, ouais. Faut trouver un tourneur. Oui, un tourneur, un attaché de presse, voilà, c'est un autre métier. Nous, on a aussi des activités en musique en dehors de cet album, quoi. Je suis aussi dans une formation de reprise de blues de Gigi Kell, Johnny Cash avec Philippe d'ailleurs. D'accord. Aussi, et Richard. Mm-hmm. Et puis bon, les gars ils jouent dans plein de formations aussi. Mais sur ce projet là, voilà, c'est le résultat, c'est notre bébé. Et on l'a, c'est bien. Quand on joue, effectivement, ça donne, ça envoie, quoi. Vraiment, quoi. Et comme sur l'album, hein, parce que ce sont des prises live. Mais après, c'est un métier, quoi. Ah oui, tout à fait. Parce que moi, jouer, j'ai des petits concerts dans des rades et tout ça, bon, ça, c'est jouable. Mais alors si on a un plan pour jouer dans un festival en août 2024, voilà, si je réponds à tes questions, août 2024, on a un plan. D'accord, donc d'ici là, on a le temps d'en reparler. Si tu nous entends, on est là. D'accord. Je sais pas qui. Très bien. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé, justement, pour vous faire jouer dans la région, par exemple, ils peuvent te contacter. Alors, pour vous contacter, justement, il y a une page Facebook qui s'appelle Dorenlo. Voilà, il y a une page Facebook. C'est écrit Rock, ou je me souviens plus, Rock Band, je me souviens plus. Dorenlo. Il y a un tiré entre le LO et avant. Et puis, il y a aussi une page YouTube. Oui. Pareil, quoi. Et puis il y a quoi d'autre? Voilà. Oui, je suis en train de regarder en même temps. Hein. Donc, il y a Dorenlo, donc musicien groupe. Voilà, c'est toujours ouvert. Et vous pouvez donc contacter le groupe pour justement peut-être vous faire venir à des concerts, pour en savoir un peu plus sur l'album, pour être au courant. Je pense que c'est là aussi qu'on va retrouver les dates de concerts dès qu'ils seront publiés. Oui, oui, oui. Très bien, ok. C'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui. Il faut être musicien, il faut être un peu multitâche. Et c'est vrai que les musiciens, eux, doivent se consacrer justement au côté artistique et faire des démarches pour les concerts. Tout ça, c'est un autre métier. Bah après, oui. Sachant en plus que déjà les musiciens, vous avez enregistré votre album vous-même, donc vous êtes un peu technicien aussi. Donc voilà, aujourd'hui, ça se diversifie de plus en plus, et c'est pas toujours évident. Ah, mais il y avait un ingé son comme sur la fin de parcours de. Ouais, la fin du parcours, mais votre prise de son que vous avez fait, c'est quand même vous qui l'avez fait. Donc oui, c'est fini. Ouais, donc ouais. Déjà, ça c'est une bonne chose parce que. Ouais. Pour avoir un bon son, pour pouvoir le mixer, il faut déjà avoir fait une bonne prise de son. Ouais. Et ça, c'est pas toujours très évident. Hein. Mais après, ouais. Moi, j'ai toujours des albums sur moi. Donc, c'est vrai que, comme disait Philippe, je suis un peu pigeon voyageur. Quoi. Et c'est des rencontres, des contacts. Quoi. En fait, voilà, tu rencontres quelqu'un. Moi, j'avais bu un coup avec, comment il s'appelle, je me souviens même plus. Enfin, avec lui, quoi. Mm-hmm. Qui tourne pas mal, qui est en première ligne sur la scène. Bon, effectivement, il a écouté, on avait accroché, mais bon, il s'occupe déjà de son business à lui, quoi. Comment il s'appelle, merde, bon, ça, je ne sais plus. Ça va revenir quand tu penseras plus. Peu importe, non, mais c'est une histoire de contact, c'est une histoire de connaissance, quoi, d'accroche, ou bien une émission radio, quelqu'un qui est là, qui entend, et dit, tiens, ça m'intéresse. Mm-hmm. Voilà, quoi. Mais après, moi, je suis incapable de... Je ne sais pas démarcher. Bonjour, prenez-nous. Voilà, bon, c'est dit déjà à l'antenne, déjà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent contacter sur le Facebook Doren-LO. Voilà. Ouais. Donc, ça sera la meilleure manière de te contacter. Il n'y a pas de site internet, hein. Non, c'est juste, le Facebook. On a un site, mais qui n'est plus alimenté. Quoi. Ah, il n'est plus alimenté. Non, c'est la dizaine. C'est passé de mode, là, je crois, les sites. C'est vrai, sérieusement. Ah oui. Il y a eu des tas de gens qui ont fait des sites, et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va. Oui, c'est vrai que, à la limite, le site, des fois, c'est une ou deux pages pour expliquer ce que c'est, et puis derrière, on renvoie sur les réseaux sociaux, donc, pour pouvoir discuter, parce que là, sur le réseau, c'est vraiment mis à jour au fur et à mesure. Donc, voilà, dès qu'il y a un concert, on met les photos, dès qu'il y a un enregistrement, on partage la vidéo, ou alors le morceau, tout simplement. Donc, voilà, c'est beaucoup plus interactif, et puis, il suffit de poster, puis on voit aussi un petit peu les réactions, les gens qui répondent, qui mettent un petit pouce en l'air, ou des choses comme ça. Donc c'est important aussi d'avoir le retour grâce aux réseaux sociaux. En fait, on a joué Gironde, Dordogne, je ne sais plus où encore, mais on fait essentiellement des passages radio, quoi. Pays de Galles, Bordeaux, Orléans, Paris. Pour l'instant, c'est ça, quoi. Très bien. Donc, s'il y a d'autres radios qui ont envie de vous recevoir, donc c'est l'occasion justement de s'intéresser un petit peu, parce que nous, on aime bien que justement les gens passent d'abord dans notre radio et puis qu'après ils fassent toutes les autres. Hein. Là, nous, on n'est pas jaloux du tout. Au contraire, hein, si jamais les pionniers. et non, mais c'est vrai que depuis le temps qu'on a reçu des artistes ici, il y en a quand même certains qu'on a vu quelques temps après à la radio, à la télévision. On est fiers de dire tiens, moi j'ai déjà reçu, et puis tu vois, ils passent à la télé ce soir. Donc dans des émissions et inversement, il y en a certains aussi d'émissions comme ça où on fait découvrir les jeunes talents qui un jour viennent aussi dans notre studio. On dit tiens, ouais, t'es passé à tel endroit, etc. Donc voilà, c'est sympa. Ça fait partie du truc, hein. Et on est content de les voir, hein. D'ailleurs, on parlait justement du Maverick Alive. Tiens, David, le Maverick Alive, c'est le 10 juin. Il y aura donc plusieurs artistes. Il n'y aura pas moi. Ben non, à moins que tu viennes en tant que spectateur. Mais non, je suis. Non, t'es déjà. Je suis en concert dans un festival ce soir-là. Donc avec un groupe que tu connais d'ailleurs. Avec les oreilles. Ah, les oreilles qui saignent, oui, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans le studio. Ouais. Donc je vais venir faire une petite session avec eux, et le lendemain je joue pour eux, pour leur festival aussi. Très bien. Le samedi soir, je serai pris. Ok, bon, ça sera pour une prochaine, parce que tu es déjà venu à plusieurs éditions. Donc cette fois-ci, l'édition numéro 12 aura lieu le 10 juin à l'Espace Bérère, à la Chapelle Saint-Mémin. Et il y aura donc plusieurs artistes. Il y aura Alex Lebaille, qui sera justement... qui commencera, qui sera aussi pour les interscènes, à côté du bar. Donc voilà, vous avez compris un petit peu comment ça va se passer. Il aura la bonne Et après, place, dans les grandes, sur la scène, il y aura trois groupes qui vont se suivre. Il y aura Custom, qu'on a écouté tout à l'heure. Il y aura Melody Road. Et il y aura le groupe Yeti. Voilà, donc... et puis Alex, justement, il est passé dernièrement sur Cartel, et dans laquelle il a parlé de, du Maverick Alive, bien entendu, hein, ah, forcément. Bah, donc ça nous fait plaisir de voir, tiens, non seulement il passe sur RTL, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, mais en plus il parle de notre émission et de notre association et avec laquelle nous réalisons les Maverick Alive. Donc ça c'est quelque chose de formidable, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Très bien, donc si quelqu'un nous écoute ce soir, c'est vrai que l'émission Maverick a servi aussi à la rencontre de beaucoup de musiciens. Hein. Il y a des groupes qui se sont formés dans l'émission Maverick. Il y en a certains aussi qui ont entendu, justement, il y avait un artiste qui était venu, et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps avec Willy, qui était venu ici, l'ex-chanteur bon, le nom ne va pas me revenir tout de suite. Bon, il était venu ici parce qu'il avait un projet solo. Et donc, des musiciens que tu connais, Fred, entre autres, du groupe Prisma, le bassiste, il a écouté l'émission, ils sont rentrés en contact et il y a un projet qui va naître de cette émission. Encore voilà. Carnet Encore. Rose, une petite naissance. Ça va. Carnet Rose. Voilà. Donc, moi, j'aimerais faire un gros truc, moi. Un gros truc, c'est-à-dire une grosse partouze. Non, Jean-Yves Lafesse. Ça y est, le retour. Est. Non, mais sérieusement, j'aimerais bien faire. Je suis un tiro, je te promets, si j'ai des mecs. Pour l'instant. Non, j'aimerais bien faire un concert avec une très très grosse chorale. Une grosse chorale. Ouais. Grosse chorale. Tu te souviens qu'une fois, on avait reçu les Garens qui avaient émis le même vœu. Ouais. Et quelques temps après, ça s'était fait à la salle Gérard Philippe à la Source. Ouais. Et donc, une chorale. Et puis, c'était les morceaux des Garens qui étaient réinterprétés. Donc, c'était quelque chose de formidable. Hein, et un très bon moment. J'avais pas pu y assister, mais j'avais vu certaines vidéos. Ouais, ouais. Et en fait, ouais, moi j'ai envie de ça parce que j'ai d'abord des chansons qui s'y prêtent complètement. Mm-hmm. Et puis voilà, ça serait un kiff pour moi d'avoir, je sais pas, une grosse chorale. Une grosse chorale. Ah ouais, voilà. Un gros truc, j'aimerais bien faire. Un gros délire, quoi, avec plein de gens sur scène. Bonne idée. Mmh. Ouais, non, mais je pense que. En plus, vraiment, j'ai quelques chansons qui s'y prêtent. Hein, oui, tout à fait. En plus, c'est des chansons français. On peut très bien les reprendre à plusieurs voix. Ah, il y a pas mal de choses. Oui, oui. Et il y a même des chansons que je connais très bien. Que quand tu les interprètes, au début, on ne la connaît pas. Et à la fin, on a le refrain dans la tête qui nous traite pendant plusieurs jours. Voilà. La, la, la, la, la. Par exemple. Mais. Et ça, maintenant, je fais faire deux voix au public. C'est rigolo ça. Donc comme quoi on peut faire plein de belles choses comme ça. Et c'est vrai que ici dans cette émission on a eu pas mal de rencontres, notamment celle avec les Garens, mais il y a eu des groupes aussi qui sont créés, ouais. Des groupes qui sont dissous aussi. Et ce que j'aime bien, ça bouge beaucoup. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que justement j'ai été contacté par des. Tu te souviens du groupe Mandrake, hein, un groupe qui s'était formé ici dans l'émission Maverick, qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui il y a Pierre le batteur qui a formé un nouveau projet et qui demande à venir dans l'émission, donc on va essayer de le programmer, ça va se faire très bientôt. Donc Pierre, il y a aussi Tim qui était venu avec un groupe ça fait très longtemps, c'était les je me souviens plus du nom, un groupe qui n'existe plus depuis pas mal de temps, qui maintenant a créé un nouveau groupe, donc on est en contact aussi, ils viendront aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ou alors je crois qu'il habite même plus dans le coin, donc ça se fera peut-être à distance, on va, mais voilà, il y a des musiciens, des groupes qui n'existent plus. Mais les musiciens sont toujours là, et puis quand on est piqué par le virus de la musique, on retrouve d'autres musiciens, et puis on relance d'autres projets, et puis voilà, c'est jamais fini. Bien sûr. Une bonne pinte, et puis voilà. On s'organise. Il fait chaud dans les studios, parce que aujourd'hui. Ah oui. Sérieux, il fait chaud. Il fait super chaud. Et on est au printemps, hein, t'imagines, on va venir l'été dans un mois. Et en plus, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, je sais pas si tu te souviens, on a fait des émissions en plein été où il faisait 40 degrés dans les studios. Comment je m'en souviens? Oui, comment on s'en souvient? On avait même photographié. Tout ça là-dedans. Pas de soucis. Faudra des vidéos. Des vidéos. Bon. On écoute donc. On va continuer à découvrir l'album. Donc ma bicyclette, tu vas pas la passer. Bon, on va écouter bah si, l'album. On va le passer. Il y a l'album, il y a aussi le truc. Il faut aussi que je puisse récupérer l'album qui est de l'autre côté, parce qu'on explique voilà le côté technique. Normalement, ça se dit pas à la radio, mais là, tu me forces un petit peu à le dire. C'est-à-dire que je vais être obligé d'aller récupérer l'album pour pouvoir le caler sur la platine, pour pouvoir l'envoyer après présentation. Donc voilà, tu te fais un petit peu de radio, tu sais comment ça se passe. Bah oui. Très bien. Donc le morceau qu'on va écouter tout de suite s'appelle Coralie Café. Donc on continue la suite de cet album. Cette chanson parle de quoi ? D'un café et de Coralie ? Alors c'est Coralie Café, ça, c'est un bar qui se situe sur l'île de Naoussa. Qui existe ? Oui, oui, oui. Ah ouais, très bien. Et c'est où, c'est où en Grèce. Ah ouais. En Grèce. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu loin d'ici. Sinon on aurait été boire un coup à la fin de l'émission. De l'ouzou. Et voilà, donc ça a été écrit, c'est un bar qui s'appelle Coralie Café. D'accord. Sur l'île de Naoussa, où circulaient de jolies femmes, voilà, on va écouter. Hein. On écoute tout de suite, c'est parti. Donc le Coralie Café d'Orenlo. Sous le Coralie Café, mettent leurs lunettes de star pour camoufler leur regard. Dans la baie Naoussa se promène toute nue. Moi ça m'en fout tout ça quand je les vois dévêtus. Lunettes noires sur le nez, Walkman aux oreilles. Visières sont bien calées, je suis sûr qu'elles nous matent. Dans un abricotier sous le Coralie Café, mettent leurs lunettes de star pour camoufler nos regards. C'est partout, et tout le monde s'en fout. La crise est partout, et tout le monde s'en fout. Allongé sur le ventre, lunettes noires sur le nez, j'attends qu'au bar elle rentre, je ne peux plus me relever. Si tu vas à Naoussa, t'as jamais vu ça. Sans la tout l'été, petit sein tout bronzé. La vue de ces reines de simples artifices, la vue de leur calice, et moi j'y pense à peine, tiens. Seulement le dilemme, c'est que ces filles de rêve, tout autant on les aime, et si on y écoute, on en crève. La crise est partout, mais tout le monde s'en fout. La crise est partout, mais tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. La crise est partout. Mais tout le monde s'en fout. Sous une Coralie Café, traquenard pour connard, y'a du caviar dans les bars. Dans la baie de Naoussa se promène toute nue. Moi ça m'en fout tout ça quand je les vois dévêtus. Lunettes noires sur le nez, Walkman aux oreilles. Visières sont bien calées, je suis sûr qu'elles nous matent. Seulement le dilemme, c'est que ces filles de rêve, tout autant on les aime et si on y compte, on en crève. La crise est partout, mais tout le monde s'en fout. donc encore un morceau de cet album, l'album qui s'appelle Terrien. C'est le projet d'Orenlo et ce soir Pierre d'Orenlo est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous en parler. Et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Coraline Café, qui parle de, bon, ce que j'ai bien suivi, de l'indifférence, hein, alors qu'il y a des gens qui vivent très bien et tout ça, qui profitent et tout ça. Pendant ce temps-là, il y a plein de choses peut-être à faire plus importantes, mais on s'en fout un petit peu, quoi. Voilà. Penser aux autres. Voilà. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais justement, c'est carrément le contraste avec les réfugiés qui prennent des risques pour traverser la mer. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui se dorent la pilule et qui profitent bien comme il faut de leur vie. Donc, après, il y a assez de place dans le monde pour honorer tout le monde, je pense, hein, quand même. Hein. Peut-être pas pour très longtemps, parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur le monde. Et c'est peut-être ça le problème aussi, non? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, voilà. Donc, tu poses des questions, mais finalement, on n'a pas forcément les réponses, nous, ici, dans l'émission. Bah, c'est difficile, quand même, d'avoir la réponse. Et puis, surtout, ça dépend... Enfin, toute une question d'angle de vue. T'entends des propos des fois qui sont difficiles à avaler, et après tu te dis est-ce qu'ils ont pas tout à fait, ne serait-ce qu'un petit peu raison, est-ce qu'ils sont, tu sais, c'est vachement difficile. Après le problème, c'est voilà, c'est l'humanité, le mot humanité qu'il faut relever, quoi, le sens du mot humanité qui est galvaudé mais qui n'existe plus vraiment. Je crois que tant qu'on n'aura pas compris ça, bah, on n'ira pas loin, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et puis, donc, de toute façon, on dit que les humains aussi détruisent le monde, mais finalement, le monde, lui, continuera de tourner. Il va se détruire lui-même, quoi, finalement. Ouais. Au bout du compte, c'est ça. Humains. Mais moi, ce qui me chagrine souvent, c'est que les gens ont très peu de mémoire. Je veux dire, quand j'ai entendu récemment un Olibrius parler sur une antenne et puis parler de dire oui, on peut pas recevoir tous les miséreux et tout ça, on peut pas, ok. Pendant la guerre, quand tous les Français sont partis se protéger à droite à gauche, ils ont pas regardé si on pouvait les recevoir ou pas. Et ils étaient bien contents qu'on les reçoive. Tous ces Français bien pensants, etc. Donc voilà, aujourd'hui, et puis voilà, on oublie aussi ce qu'a été la politique africaine de la France. On oublie toutes les exactions qui ont été commises par notre beau pays dans certains pays. Voilà, donc voilà, c'est vachement difficile de trouver une solution. Et suivant l'angle dans lequel on le voit, oui, effectivement, voilà. Il y en a certains qui... Très bien, donc et puis voilà, donc ça fait partie de l'histoire, mais il faut quand même pas se voler la face, hein, il faut pas oublier, comme tu dis, parce qu'il y en a qui ont vraiment la mémoire courte. Et puis on sait jamais, hein, aujourd'hui on est dans un pays où en paix, etc., tout va bien. Il suffit pas grand chose pour faire déborder. Et puis actuellement, déjà en plus avec les événements qui se passent, on n'est pas très réjouis, hein, parce que bon, ça va jamais bien, hein, dans toute la terre. Il y a toujours des problèmes, hein, il y a toujours des guerres, ça se déplace d'un côté à l'autre. Et on se dit, tant que c'est loin, on est un petit peu content, mais quand ça s'approche de nous, on commence à se poser des questions, quoi. Ouais, et puis je crois que surtout c'est une histoire de pognon, une histoire de système qui demanderait à être vu. Le système économique est ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est pas le meilleur pour l'homme. Mais pour certains, oui, pour d'autres, un peu moins. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Et je pense que... on peut dénoncer, malheureusement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui veulent entendre ce genre de message, je suis pas très certain, quoi. J'ai un peu baissé les bras, j'avoue. Et puis il y a certaines personnes qui veulent pas du tout s'intéresser à ça, hein, qui disent, moi j'ai ma petite vie, autant que ça me touche pas directement, je m'en fous un petit peu, et puis voilà, hein. Et puis même à la limite, que ça aille mal quelque part, moi ça va bien dans la mienne, donc je veux pas non plus que ça me touche directement, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand? Est-ce que tu dis rien? Je t'écoute, je suis vraiment très attentif. Et la musique, c'est le partage, donc l'humanité, c'est très important pour nous. C'est vrai que c'est bien. J'aime bien. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, Pierre, toi qui es un grand baroudeur. J'ai vu des fois des vidéos où plusieurs personnes enregistraient un morceau, mais à chaque bout de la planète, toi. Et puis après ils faisaient le clip et tout ça. Et je trouvais ça formidable. C'est génial. C'est magique. J'ai vu du monde avec ça. Ouais. Ça, c'est super bien, quoi. Et des styles différents qui se marient. Bah oui, ah, ouais, ils se marient très bien, c'est harmonieux, c'est magique. Ils amènent chacun leur histoire, justement, leur vécu, leur expérience. Leur sensibilité. Leur patte. Et je trouve ça. Et voilà, quand tu parles de partage, voilà, moi je trouve que c'est ça la musique des partages. Où c'est ce qui nous tient. Enfin, c'est vraiment un moteur. Et c'est peut-être pour ça qu'on est réunis ce soir. Et c'est formidable. Avec des bons disques, des bons enregistrements, des belles chansons, de la bonne et du bon son. Et des belles paroles. Oui. J'ai deux à gauche et à droite, j'ai deux paroliers. Donc quelle chance. Moi je parlais plus pour Pierre. Hein. Ouais. Ah, c'est deux styles. Ah ouais, de toute façon, c'est sûr qu'on on joue pas dans la même cour. Cour du Sud, cour du Nord. On coupe la France en deux ce soir. Tu parlais justement des enregistrements qu'on fait à travers le monde. Il y avait une chanson, Stand By Me, qui avait été enregistrée par... Comme ça, mais il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs, il y a eu toute une série. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui se déplaçaient avec des micros, des enregistreurs, qui ont pris des trucs de droite à gauche, et finalement, ils ont tout remixé, ils ont tout... Tu te rends compte le travail, parce que finalement, les prises de son sont pas forcément toujours les bonnes, donc ils sont obligés aussi de faire attention au tempo, de faire à la tonalité, donc c'est vrai que la même chanson peut être... Et puis ça se marie pas du tout, et eux, ils se sont débrouillés pour que ça se marie, avec des voix complètement différentes, avec des styles complètement différents, ils ont voyagé dans le monde entier, et c'est là qu'on s'aperçoit que même si les gens parlent pas la même langue, la musique reste une langue internationale, quoi, une langue que tout le monde comprend, et on a cette sensibilité-là, on est touché par des musiques qu'on ne connaît pas, même si ce n'est pas notre culture, ça réveille quelque chose quand même. Je me la pétais un peu, il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une grande dame de la chanson française, qui parlait, qui disait, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a 8 notes. Et quand tu vois toutes les possibilités qu'il y a... Et ce n'est pas fini. 12. Ouais, en moyenne, enfin... Pour moi, il y en a deux. Moi, c'est plutôt le piano de David Guetta que... en fait, la dame en question, c'était Véronique Sanson. Très bien. Ah oui, une grande dame. Ouais. Et non, parce que je pensais que tu parlais de Karen Cheryl ou Sheila. Non, je parlais d'une grande dame quand même. Et elle disait, avec ces 8 notes, toutes les possibilités qu'il y a, qui ont été faites et qui reste encore à faire. Voilà, c'est ça, c'est interminable pour revenir à ce que tu disais, Bertrand. Ouais. C'est ça, toi. Oh là là, c'est formidable. C'est fascinant. Mais même nous, sans vouloir nous différencier, Pierre et moi, je veux dire, on a deux styles différents, on fait des musiques différentes, mais en fait, on utilise les mêmes notes et on utilise les mêmes accords, quoi. Je veux dire, on les colorie un petit peu pour certains styles, mais c'est ça. Et on arrive à faire des choses totalement différentes. Ah oui, tout à fait, oui, j'imagine bien ça, qu'on voit tous les styles de musique. Il y a plus de styles de musique que de notes, finalement. Bah oui, forcément, et nettement plus. Et puis, on l'a dit souvent aussi, la musique, finalement, on la met par catégorie, mais finalement, la musique, il n'y en a qu'une, et c'est la manière de l'interpréter qui fait qu'il y a des styles différents, mais finalement, la musique, il n'y en a qu'une seule. Ouais. Après, il y a des gens qui aiment bien mettre des étiquettes. À un moment donné, c'était la mode, rappelle-toi. Bah oui, après, des fois, de mode. Dans le métal, t'avais le métal harmonie, t'avais le métal machin, t'avais le métal... Tu te rappelles ? On a eu cette discussion sur ce plateau. Parce que les groupes, ils arrivaient. Tu fais quoi, toi? Tu fais du hard? Ah non, je fais pas du hard. Moi, je fais du... Et toi, tu fais quoi? C'était resté un petit peu. Parce qu'on dit, c'est du hard rock. Ah non, pas du tout. Non, mais du métal, c'est pas du hard rock. Non, c'est pas du tout. Alors que c'est vrai que hard rock, ça veut dire du rock dur, quoi, finalement. Donc le métal, moi, je le mets plutôt dans le truc dur. C'est quand même pas. Bah ouais. Après, effectivement, il y a des classifications. Et puis, des fois, ça nous dépasse un petit peu. Parce que nous, finalement, on écoute avec notre cœur. Quand ça nous plaît, ça nous plaît. Que ce soit du métal, que ce soit du punk, que ce soit. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. On n'a pas de frontières, voilà. Je me rappelle, on parlait tout à l'heure de musique rock et de langue française. Il y avait un groupe que j'adorais et qui tourne toujours. D'ailleurs, il faut le savoir. C'est Ange. Oui, Ange, oui. Christian Descamps. Ah, Christian Descamps. Ouais. Et il tourne toujours. Je l'ai rencontré. Ah ouais. Il est super. J'avais rencontré à Dijon. Bah, pas très loin de chez lui parce qu'il est franc-comtois, je crois. Ouais. Et il tourne toujours. Ça. Avec son fils, il avait son fils. Oui, exactement. Et ça, c'était du bon rock. Mon ami, tu te rappelles Ange? Oui, tout à fait. Ange, oui. En français. Et en français, c'est vrai. Il y avait des albums fabuleux. Hein. Belles paroles, les années 70. Et il a continué. Ah ouais. Et je te dis, là, j'ai vu, je suis en lien avec eux sur le réseau et ils tournent toujours. Et là, ils ont toute une tournée de prévu pour 2023. C'est génial. Ah ouais, c'est voilà, comme quoi on peut faire des belles choses en français. Qu'on se le dise. Bah oui, voilà. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a pas mal de groupes comme ça qui ont eu un succès. C'est vrai qu'à une époque, on arrivait à écouter du Ange, mais il y a très longtemps, parce que dans les radios, on diffusait un peu de tout. Aujourd'hui, les radios sont devenues spécialisées dans certains styles, donc on n'entend pas tellement. Mais par contre, le groupe continue de tourner, et ce sont des vrais musiciens. Ah bah oui, il y en a plein. C'est la différence, c'est la grande différence. Il y en a plein comme ça qui ont fait leur carrière, alors qu'on les diffuse pratiquement plus dans les radios. Regarde. Prends les soldats Louis. Soldats Louis, Louis par exemple, les soldats Louis. Hein On parlait que de. L'Orientais. Oui, les L'Orientais, ouais. Et eux, ils tournent, c'est fabuleux. Puis les salles On a eu l'occasion de les voir ensemble, d'ailleurs, de les rencontrer. Ouais. Les salles sont pleines. Mmh. Ah oui, c'est ça, le pire, c'est qu'ils attirent du monde, quoi. Il y en a plein, Si on commence à les citer. Quand ils vont quelque part. Déjà, dans leur région, ils ont un gros succès, que ce soit les Bretons ou les Franc-Comtois. Après, on les découvre sur tout le territoire, mais c'est vraiment génial qu'on puisse encore les entendre en concert. Mmh. Parce que j'étais gamin, moi, les débuts d'Ange. Et moi aussi. Hein. Et les gars continuent, malgré les années. Avec des jeunes musiciens, c'est ça qui est génial, parce qu'il y a de jeunes musiciens qui s'intéressent à ce style. Ah bah heureusement, parce que c'est vrai que moi ça me fait plaisir. Même ici, des fois, je reçois des groupes de rock, et c'est vrai que moi je vais souvent dans les concerts de rock, et c'est un peu vieillissant, c'est un petit peu dommage. Hein. Bon, maintenant je fais partie un petit peu des vieux aussi, donc c'est des gens de mon âge, et on se dit ça correspond à une génération, et ça serait dommage que ça disparaisse. Et non, il y a quand même des jeunes aussi qui font aussi du rock, et qui viennent, et donc ça me fait plaisir. Moi, il n'y a pas de frontière entre les âges. Hein. Quand on aime la musique, on aime la musique, hein, et puis c'est tout. Hein. Et donc des groupes de... On a reçu il n'y a pas très longtemps ici, on a reçu De Guigues, on a reçu Ombrage, des jeunes qui font du rock, et je lui dis ça c'est formidable, continuez comme ça, parce que il faut continuer à faire vivre cette musique là. Hein. Il faut, ouais. bien sûr. Et puis, mais je pense pas. Qu'est-ce que tu dis à la fin de ton émission, toi? Plein de choses. Hein, je dis que le rock'n'roll soit avec vous. Everything is gonna be alright. Yes. Et une vie sans musique serait une erreur. Voilà. Je pense au programme. Forcément, non, mais c'est. Puis on arrête. Enfin, je veux dire, quand on est tombé dedans, voilà, on a du mal à s'arrêter. Et quand on peut transmettre aussi, c'est super. Hein. Je sais pas, Pierre, tes musiciens, ils sont de ta génération ou plus jeunes ou... La même génération. Ouais. Pour ce groupe-là, oui. La même génération. Le bassiste un peu plus jeune, mais même génération. Hein. Mmh. Et tous rock. Ah non. Ouais. Non, différents styles. Ils jouent, le guitariste, il joue dans, je sais pas... 7-8 formations différentes. Ça, ensuite, il était chez Johnny dans les années, je ne sais plus quelles années, il a fait Johnny. Il était chez Johnny, France Gall. Voilà. T'as joué avec Francis Mose aussi? Ah oui. Oui. Magma? Oui, Francis Mose. Ouais, ouais. Des pointures. Ouais, des grosses pointures, quoi. Ouais. Ouais. Oui, j'en ai connu quelques-uns, quoi. Pete Pyle. Oui. Pete Pyle. Voilà. Des gens comme ça, quoi. Mais là, ils sont effectivement ma génération. Et puis, ouais, les gars, ils jouent partout. Ils sont accompagnés par plein de monde, ça. Olive, là, Ricardo, il est au théâtre. Dans une pièce de... il est au Festival d'Avignon, en tant que théâtreux, quoi, acteur, comédien. Il est dans la Ligue d'improvisation française aussi, où j'ai bossé aussi. Et puis, il a son groupe, Olive et ses noyaux... Voilà, c'est un peu varié, il joue partout le mec. Et puis, je ne joue pas qu'avec eux non plus, mais là, c'est un côté familial et c'est très fraternel, quoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'on écoute la bicyclette? La bicyclette, on l'écoute, justement, je voulais me dire, tiens, on sur les bords de Loire. On repapote à nouveau, mais c'est bien aussi d'envoyer un petit peu de musique, parce que là, on va commencer à envoyer des morceaux deux par deux, parce que ça passe très vite. Waouh! Oui, la bicyclette, à la limite, tu peux la mettre une autre fois, autant écouter l'album. Bon, on a le temps. D'accord. Si on dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. On écoute donc La Bicyclette. Et à la limite, on peut enchaîner tout de suite avec un... Je rappelle donc, tout a été fait plus ou moins, enfin, ici, dans la région, hein, avec... D'accord. Donc pour cet album, donc La Bicyclette. Donc c'était un album qui est sorti il y a combien de temps ce 2011, 2012. Ouais, je vois, ça a été fait enregistré en 2010, donc c'est sorti juste après. Ouais. Parce que souvent c'est ça dans les chansons, c'est on dit ça c'était l'été, voilà, c'est le morceau de 1992. Ah non, si on regarde sur l'album, c'est écrit 1990. Parce que le temps que ça se fasse connaître, ouais. Eh ben il y a un petit décalage. Donc voilà. Donc La Bicyclette. Et on va écouter donc le morceau qui s'appelle La Bicyclette. Que David aime bien, et je pense que... Ouais, tous. Voilà. Ah bah, il y a plein de gens qui l'aiment bien. Oui. Déjà, voilà, mais moi aussi. Bah voilà, donc on écoute tout de suite... Il y a une vidéo dessus aussi. Ah, d'accord. Un clip. Un beau clip. Ouais. On écoute tout de suite. J'aime faire de la bicyclette pour rejoindre ma marinette. Penchée en avant, je la guette quand je baisse la tête. J'aime dépasser les camionnettes qui gentiment sur le bord s'arrêtent. Quand je déboule à fond les manettes, j'ai les pneus qui font des claquettes. J'ai le pantalon dans les soquettes. Je pédale et je chante à tue-tête en laissant filer ma bicyclette. Y'a que les moucherons qui me détestent. Le vent lisse la peau des champs, les coquelicots rouges sang. Je passe les villages en fleurs, les petites maisons de couleur. J'aime faire de la bicyclette en écrasant pas les rainettes. Il y en a certainement qui allaitent des petits têtards qui têtent. Le vent ramasse des pétales, lisse la mer végétale. Des tuiles embrassent le ciel, qui voltige, qui chancelle. J'aime faire de la bicyclette, rouler sur la pointe des crêtes. Croiser les vaches qui pètent, il paraît que ça nous embête. Dans mon sac j'ai une galette, c'est maman qui me l'a faite. Moi je rejoins ma marinette en sifflant cette chansonnette. Ma marinette, un bouquet de pâquerettes, une galette à bicyclette, et tant pis si les vaches pètent. J'aime faire de la bicyclette. Pour rejoindre ma marinette. Dans un petit café du quartier, on dit le profit corrompt la terre. On fuit la misère et ses artères. Dans un petit rad au coin de la nuit, dans un café au coin d'une rue, on refait le monde, accoudé au comptoir. Le bar est comme un point de repère. Ici, on est peinard, on fuit, on se raconte des beaux bars. J'aime tant la vie, mais la vie est si fraîche. Stop ma reine, déplie tes ailes sous le toit de soleils artificiels. L'avenir navigue à l'aveuglette. On rêve d'étoiles et de mystères et on fuit la bêtise et ses arrêts. Mais j'aime tant la vie. Mais la vie est si fraîche. C'est deux morceaux à la suite. Donc le premier morceau que nous avons écouté, c'est Pierre Dorenlo avec La Bicyclette. Et après, c'était donc le nouveau projet, donc en deux mots, Dorenlo avec Le Petit Bar. Voilà, voilà. Juste pour je ne dirai pas la suite, mais en tout cas, Dorenlo, en fait, ça n'est absolument pas du sud-ouest, c'est normand. C'est même saxon. D'accord, très bien. Dont la famille termine par Oté, c'est okay, saxon. D'accord. Donc originaire de la Carteret. Très bien. Et après, ben. Et après, tu as voyagé, donc voilà. Normalement. Très bien, ben, c'est bien à savoir, hein, l'origine des noms et tout ça. Donc, ça nous permet de savoir un peu. Tu t'intéresses aussi à tes origines, d'où tu viens, d'où tu vas Non, bon, pas plus que ça. Si, tu vas peut-être quand même. Où tu vas, oui. Il essaye. Si, je suis on se retrouve là où on voudrait pas aller. Je suis au courant, oui, ma sœur a fait un arbre généalogique. D'accord. Elle a remonté bien avant la Révolution française et toutes les. Comment dire, bibliothèques ça qui ont été cramées, quoi. Mmh. Donc elle est remontée, je crois, au XIIIe siècle. Assez loin, ça. C'est... Carrément. Oui, elle est remontée, ouais. Ah ouais, carrément. C'est dans siècle. Quelle région Carteret, dans Cotentin. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, carrément. Du coup, de la branche de Ranlo, après, fatalement, mais globalement, c'est ah bah ça. Oui, après, il y a aussi d'autres origines, hein, parce que, bon, il y a le nom qui était transmis de papa en papa. C'est et finalement, du côté de la mère, des fois, on ne sait pas exactement. Moi, j'aurais dit plus de papa en fils. Parce que de papa en papa. Ouais, de papa qui devient papa, qui redevient de papa, c'est et ainsi de suite, hein, voilà. Bah, souvent, c'est comme ça que ça s'en fait, parce que si le fils ne devient pas papa, ça s'arrête. En même temps. Voilà. Et encore pire, c'est bien tata. Oui. Voilà. Ce morceau qu'on vient d'écouter, qui fait partie de l'album Terrien. On a encore plusieurs morceaux. On va les écouter deux par deux parce qu'on s'approche très vite de la fin. Même si on doit dépasser quelques minutes, c'est pas bien grave. On va se débrouiller. D'accord. Mais d'accord. donc, je voulais savoir aussi, toi, tu es musicien depuis pas mal de temps. Quels sont les artistes qui t'ont donné envie de devenir musicien toi-même? On m'a forcé. On t'a forcé. D'accord. Non, moi, je voulais faire de l'accordéon et on m'a emmené au piano. Mais ma grand-mère maternelle était pianiste. Ses frères et sœurs étaient dans la musique. Mon arrière-grand-père... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'était chef d'orchestre à Brive-la-Gaillarde. D'accord. Il y avait cette énergie comme ça, et donc je voyais toujours les anciens jouer autour de moi, quand même. Et puis bon, j'ai fait du piano classique conservatoire municipal. Assez tard quand même, à 10 ans. Toi, normalement le conservatoire c'est plutôt 7 ans. Hein, oui, c'est vrai. Quoi. C'est vrai que. Puis j'ai arrêté à 15 ans au début de mes premières amours. Puis j'ai repris avec un groupe de rock. Bref, c'était quoi ta question? Ouais, quels sont les artistes qui t'ont donné envie de faire de la musique toi-même? Pas particulièrement, disons qu'en pianiste, moi j'adore Bill Evans, Monk. Voilà. Après, il y en a tellement, Herbie Hancock évidemment. Mais. Après, et puis Brassens, et puis pour moi, c'est un auteur c'est champion du monde, quoi. Mais rien en particulier. D'autant plus que moi, je suis extrêmement timide, et la scène, c'est très compliqué pour moi. Je peux pas regarder les gens dans les yeux, tout ça, c'est vraiment un gros stress, quoi. Je vomis. Ah ouais, ah ouais, c'est un enfer. Ah, c'est un enfer. Accompagner, qu'instrumentiste. Ça va, mais chanter là où t'es vraiment, tu te livres. Parce que disons que le piano c'est aussi un intermédiaire, tu vois, comme une guitare. Le chanteur qui a une guitare, c'est pas toi. Il y a des gens qui jouent pas bien de la guitare, qui ça fait un intermédiaire, ça aide. Pareil. Ah ouais, ben moi je sais que Jimmy elle me le dit souvent, elle me dit mais quand tu chantes sans guitare, non, on voit que t'es pas à l'aise. Ouais c'est ça. Tu te caches un peu derrière la guitare. Bien sûr. L'instrument c'est comme un psychotrope quoi. Mais à la fois bon j'ai développé aussi un peu l'instrument quoi, mais sinon je ne sais pas quoi dire de plus. C'est déjà bien. Tout à l'heure on a parlé de Gainsbourg, c'est aussi une de tes influences? Non, pas tellement. Non, je dis ça pourquoi? Parce non, que... moi c'est les Floyd, Pink Floyd par exemple. Puis écoute, Miles Davis, Kind of Blue. Ouais. Si on y va par là, et puis les Floyd, The Dark Side of the Moon. Voilà. Non, moi je disais ça parce que perles, je trouve dans la bicyclette, il y a quand même une petite manière un petit peu de chanter la musique aussi qui accompagne les morceaux de Gainsbourg au début hein, plutôt. Ouais. Parce qu'après, ça c'est un petit peu modifié. Mais bon, donc forcément, je me suis dit tiens, il y a une petite ressemblance. Impressionneur des Lilas, évidemment. Ouais. Quoi. Bah oui. Donc moi, alors au niveau de la voix, souvent je me suis fait la réflexion. Je t'en ai jamais dit, mais je vais te le dire. Puisque nous sommes là, je vais en parler. Je suis pas quelqu'un qui tourne autour du pot. Ouais. Je vais dire directement les choses telles que je le pense. Ouais. Parce que je suis comme ça, je suis direct. Ouais. Hein. Voilà, mais il le dira pas. C'est ça. Non, mais moi, souvent, ta voix me fait penser à Paul Persson. D'accord. Ouais, sauf que, oui, peut-être. Un peu, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Hein? T'es d'accord avec moi, Bertrand? Ouais. Hein, mais j'aime bien Paul Persson. Ah, j'aime bien le bonhomme, j'aime bien son jeu, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien le personnage, quoi. Ouais. Vraiment, quoi. Et écoute, il y a pire comme insulte. Ah, bah oui! C'est chouette. Ouais, c'est cool. Très bien. Donc, on a cité pas mal de monde, et c'est vrai que, bon, il y a le côté un peu jazzy, il y a au côté chansons françaises, t'as mixé un petit peu tout ça, t'as été influencé par ça. J'ai tout écouté, j'écoute tout. Hendrix, Hendrix, et puis, comme tout le monde, je suis curieux. Surtout de la qualité. Quelle est la chanson que tu aimes, dont tu as le plus honte? Ça c'est le boulet musical. C'est ça. Tu sais, il y a toujours une chanson qu'on aime et qu'on n'ose pas dire parce que là, ça colle à la tête. T'as pas une chanson comme ça? Marinella, j'ai pris tes cuisses pour tes bras, et quand quand je m'en suis aperçu, j'étais en train de t'embrasser. Voilà, j'ai eu peur. D'accord. Ah bah non. Parce que la rime, elle est pas très riche. Non, mais je ne répondrai pas à ta question. Je ne vois pas. Donc Tino Rossi. Marinella. Oui. Et Tino Rossi, le Corse. Dévie un petit peu. Ouais, hémisphère sud, ouais, ou non, je sais pas. La chanson que j'aime bien et dont j'ai... Tu sais, on a des chansons que... je sais pas te donner un exemple, mais... voilà que bah, dis-nous que, la tienne. Que tu vas pas te vanter d'aimer forcément quoi. Bah j'ai souvenir que ma grand-mère Ginette, bisous grand-mère, que ma grand-mère Ginette quand j'étais petit, Marinella chantait comme ça, c'est ma grand-mère André qui me l'a chanté. Et grand-mère Ginette elle me chantait, j'ai compris à mes 30 ans. Non, c'est j'ai compris à mes 30 ans dans ces eaux-là. Marinella, j'étais en train de t'embrasser, j'ai dit, ouais, quand même mes grands. Elle me chantait ça, j'étais tout petit, 3 ans, sur les genoux. Et grand-mère Ginette, elle me chantait, monte là-dessus, tu verras mon art, tu sais quoi. Pour me bercer, pour dormir, tu sais. Ah voilà, on comprend donc, tout. C'est pour ça. Donc là, on est et remonté après, à l'enfance, là, on commence à comprendre un petit peu le personnage. Le personnage. Donc, psychanalyse a fonctionné, on connaît l'origine du problème. Ouais. Très bien. Voilà, en tout cas, c'est marrant parce que c'est des petits trucs qu'on échange. Comme ça, je suis sûr que tu n'avais pas prévu de le dire à la radio ce soir. Ah bah non, évidemment. Bah non, voilà. Mais nous, à la radio, on arrive à faire parler les gens. Et des fois, c'est vrai qu'on est entre nous. Il y a quand même des gens qui nous écoutent. Et donc, des fois, les gens se livrent un peu plus. Je me tiens. Ouais, très bien. Oui, ça va, fallait... on le tient. Tenez-le bien, parce que... Et demain, il va descendre dans la rue et tout le monde va lui chanter « Marinella ». Et ils vont faire la rime. On continue donc pour découvrir cet album avec un morceau qui s'appelle Kalachnikov. Alors là, ça envoie du pâté, hein. D'accord. Bah oui, en même temps. Oui, c'est déjà. Là, je suis sûr que. En fait, c'est ce titre-là, c'est vraiment en plein. Donc évidemment, vous avez compris, dans les attentats. Horrible. Moi, j'ai vu un truc il y a pas très longtemps. C'est justement un contrôle de police. C'est des gens qui vont à Marseille et puis il y a la police qui les arrête et dit vous avez vos papiers. Oui. Vous avez les assurances. Oui. Vous avez une arme. Non. Vous avez pas d'arme. Vous allez à Marseille. Vous avez pas d'arme. Donc le mec il s'est un peu engueulé. Et puis juste après il dit bon ça ira pour cette fois-ci. Ah si j'ai un pistolet d'alarme. J'ai quand même passé. Ouais, c'est bon. Ça ira pour cette fois-ci. Mais recommencez pas. Et puis juste après il y a un gars qui arrive avec une Kalachnikov. Il dit moi je peux y aller. Il dit, ouais vas-y. Il demande même pas les papiers. Bon, c'est un peu humoristique, mais effectivement, c'est une arme qui est un petit peu partout, hein, dans les guerres, et qui est aussi dans tout ce qui est trafic et tout ça. Donc, il paraît que c'est la plus facile à trouver, là, mon cher. Bah là, oui, c'est puis, ambiance Bataclan et tous les bars du quartier, là, ouais. Où ça a été. Tu te rappelles ce jour-là? Oui, bah, je me souviens très bien ce jour-là. On était ensemble, on était ici, là. Hein, et puis, on était en train de faire une émission tranquillement. C'est un vendredi soir, hein, pendant l'émission. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? On commence à regarder sur Facebook. On regardait ce qui se passait. On dit, tiens, on est à l'abri. Qui c'est qui est à l'abri? On est à l'abri. Sur Facebook, il y a justement un truc d'alerte pour dire, voilà, je vais bien, je suis dans cet endroit-là, mais je vais bien, vous inquiétez pas pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'abri? Et là, on commence à chercher. Et puis, on s'est rendu compte qu'il s'était passé ça. Nous, on n'écoutait pas du tout. Et donc, on est resté là, ça nous avait coupé, hein, un petit peu coupé dans l'émission. En plus, il s'avère que ce jour-là, c'était le jour de mon anniversaire. Ah oui? Ouais, 13 novembre 2015. Bah écoute, les paroles, tu vas reconnaître. Kalachnikov. Ce merdier, quoi. Et à partir. C'était. J'en ai vécu un drôle de... Un drôle de vendredi, un drôle de maverick un jour. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pris en pleine figure. Ouais. On était en train de faire une émission, on était joyeux comme d'habitude. On aime bien rigoler dans l'émission et tout d'un coup, on s'est tous regardés. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Enfin, c'est tous. On était que tous les deux, rappelle-toi. Non, il y avait d'autres personnes. Non, on était tous les deux. Oui, d'accord, très bien. Donc tous, avec tous les auditeurs, hein, forcément. Ah, mais c'est vrai qu'on avait découvert ça en direct. Donc on écoute Kalachnikov d'Orenlo. Lessivés, les raisons dépassées, les banquiers déroutés, éloignés de l'humanité, des néons névrosés, lampadaires embusqués, Kalachnikov en terrasse des verres brisés. Paris blues, Paris laïque, mitraille au Bataclan. Paris blues, Paris tragique, au resto la belle équipe. Drôle d'époque, drôle d'époque, drôle de toc. Kalachnikov, en terrasse des verres brisés. Paris blues, air de guerre. Paris blues, à l'aube d'une nouvelle ère. Première loge au petit Cambodge, sous le ciel de Paris, les Charonnes, rue de Charonne. Un soir, au carillon, sur le boulevard Voltaire, Kalachnikov, des bougies sur le sol. Les canards décrivent la scène. L'arme fatale des Eagles of Death Metal. Au resto, le Casa Nostra, taulier est un parjure. Kalachnikov, sur la mort, il fait son Graal. Paris blues, air de guerre. Paris blues, à l'aube d'une nouvelle ère. Plus de bras, plus de câlins. À l'appel des anges, no comment. Il y a des gens qui ne sont plus comme une vieille lessive vulgaire. La foi, ses barrières. Kalachnikov, tapis dans la misère. Air de guerre, fiel aux lèvres, désespoir et colère. Kalachnikov, rue de la Fontaine au Roi. Dans le cul, dans le cul, dans le cul de la culture. Kalachnikov, à l'aube d'une nouvelle ère. J'avais rendez-vous avec toi mon cœur, l'esprit suspendu aux lèvres de l'espoir. L'amour fredonnait sur nos pavés en cœur, que je descendais en rongeant les trottoirs. Une odeur de poudre, une odeur de tonnerre, une odeur de mort, une odeur de torpeur. Jamais je n'aurais dû te donner rendez-vous au café de la mort. Je compte les heures qui défilent sur les pavés, que je fous sans cesse comme un chien abandonné. Je suis sous de ce vide, fou de toi en somme. J'ai une plaie béante, une cicatrice qui m'assomme. La passion grippée au fil de notre histoire. Sur le sol des lumières s'éteint le 13 octobre. Et ce sang est ton sang versé pour moi, versé pour qui. Le fil de ton souvenir a disparu dans un cri. Morceau Kalachnikov d'Orenlow. Alors, justement, ça parle de. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait préféré ne jamais connaître. Et on aimerait aussi un peu oublier tout ça. Et, quoique, il faut quand même se le rappeler parce que, bon, il y a des fois, il y a des moments qu'on vit et qui nous apprennent plein de choses. Et puis, donc, ça a été un choc pour tous les musiciens, mais pas que, hein, pour tous les gens. Hein. Je crois que tous les gens qui aiment se réunir, se retrouver et passer un moment ensemble. Hein, voilà. On a aussi quelqu'un qui est à l'antenne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ça marche, comment voilà. Ça on va y arriver. Donc, effectivement, on a eu tout à l'heure le problème avec un auditeur qu'on a voulu passer à l'antenne. On a essayé, on a fait plusieurs tentatives, mais on n'a pas réussi. Mais cette fois-ci, on a Olive, donc, qui est à l'antenne. Voilà. Eh bien, si vous m'entendez bien. Oui, tout va très bien. Ça marche très bien. Alors, qu'est-ce que. Alors, j'ai pas pu suivre. Le début de l'émission parce que je suis en ce moment en concert dans un petit café voilà où il y a un concert très bien et d'ailleurs je me suis dit que peut-être ce lieu pourrait être un endroit pour d'Orenlow donc je suis en train d'en papoter avec les tenanciers comme on dit Très bien, donc tu démarches pour notre invité, donc Pierre voilà. Qui est là et qui pourra c'est venir. C'est le bassiste du groupe, hein, là. Oui, tout à fait, j'ai compris. Oui, il m'avait justement envoyé un petit message, quoi, il m'avait laissé un petit message, parce que pendant qu'on était en train de discuter, il m'a appelé sur le numéro du portable, et donc je lui ai demandé de nous rappeler l'antenne. Comme coucou, ça, Olive. Comme ça, on est tous ensemble, voilà. Coucou les amis. Ouais, coucou. Alors, comment ça se passe ces écoutes? Bah écoute, ça s'écoute bien, ça s'entend bien, ça passe et ça fait plaisir que tu appelles, quoi. Eh oui, j'ai entendu l'envolée lyrique de paroles sur Kalachnikov, là, c'était sympa. J'ai cru que t'étais en live, en fait. Non, il n'est pas en état d'être en live. Excuse-moi, Olive, est-ce que tu peux nous dire du mal de Pierre? Ah bah c'est tout le mal que je peux dire, c'est que c'est un compositeur, auteur talentueux. Donc ça c'est déjà beaucoup de mal, hein. Et puis qui a toujours dans ses sacoches des petites perles secrètes qu'il nous sort souvent aux répétitions en disant hey, j'ai aussi ce morceau là et alors à chaque fois en fait c'est très très difficile, on doit choisir tellement il nous propose des bons morceaux, donc voilà, c'est notre ami Pierrot qui est vraiment talentueux au niveau de l'écriture des paroles, des mélodies, des chansons, je sais pas si vous avez passé aussi des morceaux d'avant, la bicyclette. Bah, on l'a passé tout à l'heure, oui, effectivement. D'accord, voilà. Donc vous pouvez voir la large palette du bonhomme. Hein. Mm-hmm. Monsieur fait dans le tout terrain. Il est comme ça, quoi. Voilà. Il s'adapte. VTT. C'est le VTT de la musique. Non, un CTT, un chanteur tout terrain. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà et donc c'est intéressant nous après de réarranger ces morceaux pour leur donner une couleur rock ou alors pour leur donner mettre un peu d'électricité dans tout ça voilà ça c'est aussi un travail qui est très intéressant mais qui est intéressant à partir du moment où le morceau déjà à la base il est bien et parce qu'il y a de la matière quoi. C'est bien écrit, ouais, y a vraiment de la matière. Voilà. Eh ben c'est bien. Donc, est-ce que vous avez parlé de la date? On ne sait pas encore. On est entre différentes options, mais il y a des chances que l'album Terrien de Dorenno sorte octobre-novembre prochain. Donc, très bien. On a en plus des clips qui sont en train d'être tournés ou qui sont déjà tournés. Donc, on va faire la diffusion de tout ça, cette période-là et tout ça, quoi. Très bien, donc l'album il est fait, donc là maintenant c'est défendre cet album. Alors il y aura les clips justement pour que ce soit partagé, pour que les gens découvrent les morceaux, et puis aussi vous commencez à démarcher de plus en plus pour faire des concerts, c'est ça? Exactement, ouais, oui, exactement. Bon, alors après qu'on ait une petite structure, du moins quand on est un groupe indépendant, c'est compliqué de réussir à organiser de synchroniser tout ça en fait, la sortie de l'album plus des dates plus et voilà, c'est du travail, mais on y travaille et puis si jamais parmi nos auditeurs il y a des gens qui ont apprécié les morceaux et qui sont dans le monde de la musique ou qui ont envie de nous donner un coup de main, bah faut pas hésiter, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook Dorenno. Alors on a un petit tiret entre le N et le LO à la fin, là. Mais, ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à nous joindre et on pourra peut-être faire affaire ensemble, comme on dit. Bah, très bien, voilà, c'est peut-être une idée, justement. C'est, Allô? Oui, c'est moi avec mon oreille. Oui, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Oui, c'est vrai que la radio Arc-en-Ciel diffuse sur Orléans, donc il peut y avoir des gens qui ont des bars ou des endroits pas ou que des scènes. Orléans, c'est plus loin. Oui, que ça, Orléans, hein. Autour d'Orléans, mais ouais. Après, il y a aussi grâce à Internet, on peut nous écouter dans le monde entier. Oui, absolument. On est aussi une radio qui est diffusée sur le web, donc il n'y a aucune frontière qui est capable de nous arrêter. Voilà, on diffuse vraiment partout. Donc où que vous soyez, vous pouvez contacter donc le projet Dorenlo. Alors Doren, voilà, et tirer l'eau. Voilà, c'est plus simple. Et donc on peut retrouver justement la page Facebook et envoyer un petit message pour le contacter. C'est la meilleure manière. Très bien, donc voilà, le message est passé. On espère que vous allez avoir des retours et puis que vous allez pouvoir jouer. Et ça serait bien qu'ils jouent aussi dans la région orléanaise, justement, parce que nous on habite ici. Donc si on pouvait aller les voir sur scène, ça serait encore mieux. Ah, ça serait carrément génial. Hein. Ça serait carrément génial. Mais oui. Bientôt. Avec les Bordelais en live au coin de chez vous, voire même dans votre salon. Ah ouais. Prévenez les voisins. Voilà. D'accord. Et vous êtes prêt à faire une tournée, par exemple, dans la France, en Europe, aux États-Unis? Comment ça se passe? Ah oui, oui. oui, oui. On est assez partant à partir du moment où on a quand même, on a une tente dans laquelle on pourrait dormir. des scènes sur lesquelles on peut jouer. Mais non, mais on est assez partant pour défendre ce super projet. C'est pour ça qu'on a fait un album, c'est pour ça qu'on veut, on a fait des clips et qu'on veut défendre ce projet parce qu'on y croit. Et puis quand on fait découvrir aux gens, par exemple, le morceau comme La Banquise, des gens qui seraient pas forcément très rock'n'roll ou ce morceau-là les touche parce que il y a quand même il y a une notion écologique dedans et en même temps c'est fait avec humour. Donc voilà, ça n'est pas strictement réservé à des gens qui écouteraient du rock, quoi. Mm-hmm. Donc voilà. Très ça, bien. C'est intéressant d'être large. Très bien. On va te laisser négocier un gros contrat. Ok. Ouais. Okay. Et merci beaucoup d'avoir appelé. C'est super d'être intervenu dans l'émission Mavrika. Et puis au plaisir, hein, si jamais vous venez faire un coup. Je parlerai de toi après, Olive, par rapport à tes projets. Et avec puis, Olive et les noyaux. Ouais. Et gros bisous, Olive. À bientôt. Hein. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Les amis. Ouais. Allez, au revoir. Ouais. Bonsoir, Olive. Allez, bonne soirée. Voilà, donc ça fait plaisir de voir donc le bassiste du groupe Dorenlo qui intervient en direct live. Et cette fois-ci, ça s'est bien passé avec le téléphone, voilà, du premier coup. Formidable. Là, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des petits problèmes de réseau. Et effectivement, tout à l'heure, on avait une personne qu'on n'a pas réussi à avoir. Ou alors, on l'avait, on le perdait. Bon, il se passait quelque chose. Mais bon, heureusement, on a quand même réussi à illustrer cette émission avec plusieurs intervenants par téléphone. Voilà. Il va être jaloux parce que ils l'ont fait exprès pour moi, je vais pas me parler. Là, on va tout avouer, c'est Pierre, il voulait pas que tu passes à la radio, voilà. Que Tiefen, oui, Christophe. Très bien. Justement, on va parler des clips vidéo parce que il y a des clips déjà de Dorenlo. Oui. Oui. Ouais, moi j'ai regardé tout à l'heure sur la page, il y a pas mal de morceaux, des morceaux du dernier album. Oui. Il y a aussi plusieurs vidéos qui présentent un peu le groupe et tout ça. Donc j'invite les gens à aller voir. D'ailleurs, j'ai partagé sur le Facebook de l'émission Mavrika, donc oui. Petite vidéo, les gens vous parlez, vous présentez le groupe. Donc c'est un petit résumé de ce qu'on a fait pendant toute l'émission, quoi. Oui, oui, ça a été on a été interviewé par France 3 et puis Bordeaux Replay, des choses assez bien foutu, quoi, qui présente, qui nous présente bien. Voilà. Très bien, donc voilà, il faut continuer. Hein. Si d'autres radios nous écoutent et vous avez envie de recevoir Pierre pour parler de Dorenlo, il faut pas hésiter. Très bien, en tout cas, c'est un projet qu'on découvre ce soir. Bon, c'est vrai que moi, je l'ai déjà découvert parce que j'avais déjà les morceaux, oui, que je diffuse déjà depuis quelques temps. Mais là, on l'a fait découvrir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. J'espère que ça vous a plu et que si jamais il y a un concert dans le coin, vous aurez envie de venir... Le plus nombreux possible. Le plus nombreux possible, les applaudir. Voilà. Très bien. On continue encore un petit peu en musique parce que on a parlé tout à l'heure de la banquise, mais on l'a pas encore diffusé. On a encore plein de. Si, on a mis c'est Cheese, ça s'appelle Cheese. Ah, d'accord. Banquise, c'est Cheese. Ouais. Ah d'accord, c'est le même. Cheese, c'est pour ça que tout à l'heure je l'avais pas trouvé. C'est pour ça. Voilà, tout s'explique. Et on va la trouver de moins en moins d'ailleurs. D'accord, donc maintenant c'est devenu Cheese. Cheese. Voilà. Le morceau qu'on va écouter maintenant, on l'a écouté Kalachnikov. Le suivant, d'ailleurs je sais même pas si je l'ai calé. Tu te souviens du la morceau? La lune. La lune. Albino, la lune. Oui, la lune. Donc la lune, il est calé. Et la petite manip, un petit tour de passe-passe en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc on va écouter le titre suivant. On va écouter peut-être les deux titres suivants, la lune et... et Leave Me Alone. Leave Me Alone. Ouais. Tiens, un petit peu d'anglais quand même. Oui, juste ça. Quoi. Juste ça, quoi. C'est parti, la lune. Sous la pluie, le bruit doux de la pluie est sous la terre. Sous mon toit. Aujourd'hui, le chant doux de la pluie est sous les toits. Aujourd'hui, le bruit doux de la pluie sur mon toit. Un cœur est assoupi sous les toits. Sous les toits. Aujourd'hui, la lune est sous la pluie. Le bruit doux de la pluie sur mon toit. Un cœur est assoupi sous les toits. La vie se défile. autobus aux carreaux embués. Nuits écoulées. Journal ou mille nouvelles d'ailleurs, d'ailleurs, horreur banale. Le monde, la vie, sont torturés, couchés comme blé. Fruits à l'envers, la casse séchée, les gens sont seuls. Agréable à écouter cet album. Hein. On a écouté deux morceaux la suite et c'est franchement, on est bien imprégné, on est bien dans, on voyage bien avec cette musique. En tout cas, bravo à vous pour ce travail. Donc, l'album s'appelle Terrien. Donc, et puis c'est donc le projet d'Oren Lowe. Voilà. Oui. Très bien. Donc, il nous reste encore deux morceaux à écouter. Bon, on est à peu près dans les temps, on va dépasser un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de, qu'on aurait oublié de dire dans l'émission, que t'as envie d'aborder un sujet? Non, c'est une des super rencontres, un super projet, avec des personnalités, quatre personnalités différentes, et c'est intéressant aussi de ce point de vue-là, au-delà de la musique, quoi. Oui, il y a le côté humain. Voilà, il est revenu plusieurs fois et c'est quelque chose qu'on... Ouais, mais quand il y a quatre personnalités qui se rencontrent, ça peut, il peut y avoir des frictions et tout. Oui, tout à fait. C'est humain aussi, quoi. Oui, voilà. Et tout ça, c'est, des caps ont été franchis et on s'accorde vraiment très bien, tout en ayant aussi chacun nos propres vies artistiques, si je puis dire. Mais non, c'est un beau bébé et des gens de confiance et des gens tout à fait respectables. Et talenteux, c'est un bonheur. Vraiment. Personne ne marche sur qui que ce soit. Parce donc que c'est ça... bien votre bébé à vous tous, c'est, ouais. c'est votre projet, c'est ce que vous allez défendre maintenant, une fois que l'album est terminé. Et c'est vrai qu'il est super agréable à écouter, et c'est vrai qu'il y a aussi des... Bon, c'est un côté un petit peu plus rock'n'roll que, le, que tes autres projets, ah oui. Mais en même temps, c'est aussi très chanson, c'est très, ça s'écoute, je pense qu'il ne faut pas forcément aimer que le rock'n'roll pour écouter cet album-là, il faut écouter, il faut aimer les belles musiques, quoi, tout simplement. Bah, c'est composé piano-voix, et puis après, c'est arrangé, et ça, ça donne ça. Et, c'est, et puis, je pense qu'on entend aussi cette fraternité, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous m'avez bluffé quand même, parce que la prise de son a été faite dans un studio, et moi, je trouve qu'il est super agréable à entendre. Hein. Franchement, alors, le son est super bien. Alors, la prise de son a été faite, effectivement, chez Philippe. Ouais, mais derrière, il y a eu du travail, bien entendu. Non, mais Philippe, il a vraiment œuvré, c'est terrible, il a fait un super boulot, quoi. Oui, oui. Parce que Zervive. Mais après, au studio à Saint-Capré de Bordeaux, là, le son a été vraiment boosté, quoi. Ah bah oui, ils ont pas mal de choses, voilà, des compresseurs, des choses comme ça, des égaliseurs qui nous permettent. Et aujourd'hui, avec le numérique, on va encore un peu plus loin. Mais bon, si moi je compare ça souvent à la photo. Hein. Si une photo est loupée, on pourra mettre tous les logiciels possibles pour essayer de le ramener, on n'y arrivera pas. Mmh. Et donc là, la prise de son était forcément bonne pour réussir à pouvoir travailler dessus. Il y avait de la bonne matière. Et donc, bah c'est une réussite, hein, en tout cas. Bravo à vous. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oh. Un tonnerre d'applaudissements. Il en fait du bruit, David. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs et il est tout seul. Hein. Ah bah, c'est dans ma tête qu'on est plusieurs. Ah, éventuellement, tu peux mettre le dernier, Allô la Terre, puis. Oui, à la limite, on met le suivant aussi. Hein, il va défiler, puis après, derrière, on passera sur RTP International. En tout cas, merci beaucoup, Pierre, d'être venu. Merci beaucoup à toi, Albino. Merci. David McLean, merci aussi à vous. Et merci Bertrand Fraud, merci, c'est Pierre, un bonheur de vous voir. Bah, ça fait plaisir, c'est vrai. C'est cool. Et puis l'émission n'est pas tout à fait terminée parce qu'on va rendre l'antenne, mais en même temps on va rester pour prendre quelques photos, hein, des souvenirs. Avec plaisir. Donc on fera des photos et puis donc on va discuter encore pendant un certain temps. Et je te parlerai d'Olive et ses projets. Très bien. Ah, okay. Non, c'est Olivier et les noyaux. Et ses noyaux. Voilà. Je repense aussi. Et je resalue Philippe, Olive et Richard. Gros bisous. Et mes filles aussi, bisous. Et, Chris, ouais, et Christophe, qu'on n'a pas eu, mais. Et Christophe, on est vraiment désolé, mais ça s'est mal La technique goupillé. Est contre toi, gars. Ouais, non, mais toi, il y a quelqu'un qui t'a acheté un sort, mais la technique est contre toi. Je ne dirais pas. Ici, sauf avec Christophe. Et un grand salut à Orléans et à tous les gens que j'aime bien sur Orléans, quoi. Très bien. La semaine dernière, justement, on avait reçu Angéline, hein, que tu connais très bien. Toi, David, c'est toi qui me l'as fait connaître. Et après l'émission, c'est pareil, on est resté pendant un certain temps. Après les photos, elles ont été partagées dans le Facebook de l'émission Mavrica. Donc, vous pouvez encore aller les voir. Et donc, bientôt, il y aura celle de Pierre avec Bertrand et David. Et puis moi aussi, on va prendre des photos tous ensemble. Il y a un siège qui fait un drôle de bruit. Ouais, c'est bien. C'est une baleine. Ouais, c'est la chorale. C'est assez. C'est ça. Voilà. Et donc après l'émission, c'est pareil, on a discuté pendant un certain temps. Et puis après, il m'a envoyé un petit message en me disant, je sais pas quelle heure tu rentrais chez toi, mais ouais, effectivement, des fois, on discute, et puis qu'on a la même passion pour la musique. Il faut dire que ça s'arrête pas juste aux Angéline, Angéline et Damien, ce sont des gens qui aiment bien discuter. Franchement, on a passé un très bon moment. Quand on se dit, on les voit de temps en temps, et quand on se dit au revoir, on sait qu'une heure après, on est toujours ensemble. Quoi. Voilà, donc, tu me rassures, je suis pas le seul. En tout cas, c'est des gens charmants, et puis on était bien contents de faire l'émission avec eux. Bah, on sera avec eux au mois de juin, avec Angéline, juste pour un petit aparté comme ça, à la crémaillère, à Montmartre, pour une soirée en hommage à Johnny. Donc il y aura Angéline, il y aura donc Jimmy et moi, et Pierre Benvenuti. Et c'est une soirée qui va être folle parce que c'est vraiment un hommage à Johnny puisqu'il aura eu 80 ans cette année. Mmh. Et donc le 17 juin, on sera là-bas. Très bien, donc c'est bien de le dire aussi. Hein. Et puis la semaine prochaine, on reçoit aussi un autre projet ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est la première fois qu'ils viennent dans les studios, pourtant on diffuse leurs morceaux depuis pas mal de temps, parce qu'ils devaient déjà venir au Mavrika Live qui a été annulé, c'est le 20 avril 2020, à cause du Covid. Donc on relance ça, ce sera le 10 juin, il y aura donc le groupe Custom. On diffuse leurs morceaux, pourtant ils ont été aussi choisis pour venir au Mavrika Live, et en attendant, ils sont jamais venus dans l'émission. Donc c'est l'occasion de les découvrir, comme ça on aura les auditeurs auront plus envie justement d'aller voir ce concert, donc à l'espace Bérère, c'est à la chapelle Saint-Mémin, la grande salle, hein, la grande salle de 500 personnes. Donc vous pouvez amener les enfants, les copains, les copines, tout le monde, hein, tout le monde, les voisins, toute les voisines, la famille, les voisins, les voisines, les cousins, les cousines, voilà, et passer un bon moment. Le but justement de cet événement, c'est de découvrir des artistes et de passer tous un bon moment ensemble. Ouais. Voilà, c'est la chose la plus importante, c'est dans l'esprit Mavrika. Voilà. Juste un petit dernier mot pour Pierre, je suis vraiment très heureux de t'avoir revu. Ah, moi aussi. Continue, t'arrêtes surtout jamais. Merci, merci. Parfois il y a des doutes. Hein. Enfin, pas des doutes sur le. Moi, mon grand kiff, c'est d'écrire. Et je dis ça sans prétention, hein, vraiment. D'écrire et de mettre au pied. Vraiment pareil. Ou l'inverse. Mais après, ce qui est compliqué. Après, bon, je joue à droite à gauche, quoi. Mais c'est compliqué, c'est de défendre un produit comme ça. Et puis, moi, on n'est pas. Alors, des fois, t'es un peu désespéré parce que tu dis. Enfin, mais merci. Merci. C'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que vous investissez tellement dans la musique et tout ça, dans ce que vous faites et tout ça, et des fois la réaction du public n'est pas tout à fait. Non, c'est pas le public. Loin s'en faut. Oui. C'est surtout tout ce qui va à côté. Oui, je comprends. On va discuter avec Pierre tout à l'heure un petit peu hors antenne. Si tu veux, c'est notre boulot. C'est un boulot. Enfin, la question pourrait se poser. Mais voilà, nous. On écrit, enfin, on compose, on construit des chansons seul ou avec des musiciens. Et après, ben voilà, il y a tout un système pour aller les défendre sur scène. Et c'est tout ce système-là, toute cette démarche-là, qui est compliqué. Pas forcément notre boulot à nous, mais ouais, et qu'il faut qu'on fasse et qui parfois pas très agréable. Je me suis mal expliqué. Le public, lui, il est réceptif. Hein. J'ai déjà été à des concerts avec David, etc. Effectivement, voilà, les gens sont contents d'être là. Et quand ils vont à tes concerts, souvent à un autre concert, ils sont là à nouveau. Donc, et puis, je suppose que Pierre, c'est pareil. Ils viennent plus. Ils viennent une fois, ils reviennent plus. Non, mais il y a forcément des gens qui vous suivent, qui vous apprécient tout ça. La problématique là, donc, c'est de trouver des lieux. C'est ça, c'est trouver des lieux, quoi. Et puis moi c'est pas mon taf, quoi. Je disais, c'est pas notre taf. Dans un monde idéal, voilà, nous on ferait nos petites musiques, nos petites chansons, on ferait toute la partie artistique, et puis il y aurait du monde autour de nous qui pourrait s'occuper pour aller trouver des dates, pour aller nous présenter dans les radios, pour aller nous présenter dans les journaux. Doivent tout ce côté de business là qu'on est obligé de faire parce qu'on a un autre niveau, et que en plus on rencontre souvent des gens qui sont pas toujours c'est pas qu'ils sont malhonnêtes, mais disons qu'ils attentifs, hein, ils sont pas toujours attentifs. En tout cas, c'est quand même une sacrée chance de pouvoir être passionné, quoi. Déjà ça, c'est déjà de l'or, quoi. Voilà. Déjà c'est peut avoir des doutes, hein, mais d'avoir une passion dans la vie, en l'occurrence, puis c'est un véhicule de communication, c'est de la balle. C'est au moins une chance. Il n'y a pas à se plaindre. Ben voilà, on a passé une bonne soirée, en tout cas, avec vous aujourd'hui, parce que vous avez cette passion, et que moi aussi je l'ai, et qu'on veut la partager aussi avec nos auditeurs. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc merci encore une fois d'être venu. Merci à vous trois. Et puis tu fais partie de ma vraie Cast Family. Dès qu'il y a de l'actualité, dès que tu as envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, tu me le dis. C'est super sympa. On se recale une date, ça sera avec beaucoup de plaisir, en tout cas. C'est gentil. On va dire les phrases magiques cette fois-ci, pour de bon. Donc que le rock'n'roll soit avec vous. Everything's gonna be alright. Et vie sans musique, ça aurait été une erreur. Voilà, cette émission se termine. Donc rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h jusqu'à 22h. Nous recevons donc le groupe Custom pour l'émission numéro 555. Voilà. Donc après la suivante, ça sera la 666, hein. Donc il y a déjà pas mal de gens qui nous l'ont réservé. Ah ouais, mais on verra d'ici sida. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, week-end prolongé en plus, une bonne semaine, tu et rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h. Ah, toi, tu travailles, toi. Ah, ouais, oui, on n'est pas tous pareils. Hein, donc, voilà, bon, bah, bon courage en tout cas à ceux qui travaillent, parce qu'il y en a même qui travaillent pendant l'émission, là. Ouais, j'espère qu'ils peuvent quand même nous écouter. Ah, ça m'est déjà arrivé d'écouter l'émission en conduisant mon bus. Hein. Ouais, voilà, j'ai Alicia qui m'envoie un petit message en disant vive la passion. Eh oui, elle a bien raison. Ça, c'est le plus important. C'est voilà. Un beau fruit. Ouais. Et puis voilà, la passion, on parlait tout à l'heure. Bah, Alicia, c'est ma fille, voilà, tout simplement. Ah d'accord. Voilà, donc on vous embrasse tous et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je me rappelle d'Alicia quand je suis arrivé ici. Je sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Elle avait 15-16 ans. On dit pas son âge. Elle avait 15-16 ans. Ouais. Et elle faisait les photos. Elle te rappelle? Il y avait Elena avant elle et puis Alicia après. Et puis après, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Mais effectivement, il y a des photos qu'elle a prises et qui font partout, qui sont signées Mavrika, qui sont encore sur le Facebook de l'émission. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on va rendre l'antenne cette fois-ci. On va écouter les deux derniers morceaux. Alors, les deux derniers morceaux, je les ai pas en tête, c'est Allô la Terre, et puis l'autre, c'est Fainéant. Ça nous va bien, ça. Fainéant. Allez, Fainéant. On l'a gardé pour la fin. Merci Bertrand, merci David. Merci Albino. Ciao, à très bientôt. Salut les gens. Ciao. Ciao Albino. Même si la vie est faite pour moi. gonflamé par mon barreau. Sous le ciel mouillé, des arbres penchés, le gris délavé en substance. L'horizon plombé d'ardoise, parquillé sous les pluies cinglées, abritez-vous à l'ombre d'elle. J'ai bordé tout un passé, laissant le haut du sac les plus beaux films qui traînaient. J'ai enfoui tous tes péchés, caché les secrets. Ainsi j'ai mis en vrac les films de réalité. La tête sous l'oreiller, dans ma cabane je craque, réminiscence éternelle. Un brouillard d'inquiétude en veine escamotée, d'anciennes colères claquent comme un disque rayé. L'histoire est bouclée, claque, pris mes clics et mes claques. Le panier serré. Quand frémira ta vie, tu pourras t'accrocher à ta pente lourde et raide avant de glisser dans l'oubli. Présent, fait néant et lâche à la fois. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Temporada para Osmaech, é o melhor marcador da equipa vizelense. 8 golos na Liga Portuguesa. Já 7 minutos da primeira parte, 1-0 do marcador e para a equipa da casa, e por isso, caro ouvinte, vamos lá aumentar o volume da telefonia. É só rodar o botãozinho para a direita. No estádio do Vizela, marcou Osmaech e por isso o resultado é este: Vizela 1, Sporting 0. Liga ao clube do seu coração. Oitavo golo do avançado montenegrino na Liga Portuguesa e atenção para o guarda-redes do Sporting, fica um bocadinho mal na fotografia. É o Franco Israel, teve a confiança porque... No...